something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, you, when you dance, dance, dance, feel pretty good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. D'être là sur Virgin Radio, bientôt 6h, merci de nous avoir choisi. On est le 13 juin aujourd'hui, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Camille arrive dans quelques instants avec votre loyer, c'est à gagner dès 6h20. Vous pouvez vous inscrire, profiter qu'il y a un petit peu moins de monde le lundi à 6h. Loyer, votre numéro de téléphone au 7 12 13. On a plein d'autres beaux cadeaux à vous offrir, des séjours un peu partout en Europe, des séjours Brittany Ferries. On a aussi des séjours à, comment ça s'appelle, à Disney avec Mickey pour une énorme fête. Ce sera dans quelques jours, on vous offre ça. Et puis toute la matinée, vous nous suivez également Facebook, Twitter, Snapchat, tous les comptes Virgin Tonic officiel pour retrouver toute l'émission, tous les comptes gérés par Ginger. Et justement, vous allez pouvoir débuter l'émission dans un instant, juste après les infos qui arrivent juste après ça. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je m'adresse à vous, les professionnels dont le véhicule est aussi l'outil de travail, pour vous rappeler qu'avec l'assurance Auto MAF Pro, tous vos biens embarqués à bord sont couverts en cas de vol de votre véhicule. Et si vous l'avez équipé avec des accessoires hors catalogue constructeur, ils pourront également être indemnisés en cas de sinistre garanti. C'est MAF Pro, et c'est pour vous, les pros. Options contenu et personnalisation détaillées dans le contrat Auto Pro, disponible en agence et sur MAF.fr. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF. Merci les filles. C'est pas un con. Si vous écoutez Virgin Radio ce matin, sachez que la prochaine fois que vous ferez tomber votre biscotte, elle tombera du bon côté. Mais ça, c'est uniquement en écoutant Virgin Radio. Alors restez là, Camille, Clément, Laure et Pauline arrivent dans un instant. Ce sera juste après l'actu puisqu'il est 6h. Infos partout en France et à travers le monde, c'est avec Tristan Sarah. Salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. D'abord la météo avec de la pluie et des orages pour aujourd'hui et toute la semaine. Ciel couvert et humide pour tout le monde, sauf dans le sud-ouest, avec quelques éclaircies sur le Pays Basque. À peine 17 degrés cet après-midi à Paris. Vous aurez 19 à Bordeaux, 21 à Lyon et 23 à Marseille. Les drapeaux sont en berne ce matin aux États-Unis. Décision de Barack Obama après avoir condamné un acte de terreur et de haine dans la ville d'Orlando en Floride. Un homme a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay, faisant au moins 50 morts et 53 blessés. Le tireur, un Américain d'origine afghane de 29 ans, a lui-même été abattu par la police qui a donné l'assaut après une longue prise d'otage. Un loup solitaire qui aurait prêté allégeance au groupe État islamique. Cette tuerie est le pire attentat terroriste commis depuis le 11 septembre 2001. Et dans ce contexte, une autre attaque visant la communauté homosexuelle a été évité hier à Los Angeles. Un homme équipé d'un arsenal explosif et d'armes à feu a été interpellé. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il avait prévu de causer des dégâts pendant la Gay Pride. En France, 10 personnes en garde à vue après les violences de ce week-end dans les rues de Marseille en marge de l'Euro. Certains seront jugés dès aujourd'hui en comparution immédiate. Des scènes de guérilla urbaine sur le Vieux-Port avant Angleterre-Russie, puis des bagarres au Vélodrome à la fin du match. 35 blessés dont plusieurs graves. L'UEFA a haussé le ton en annonçant que la Russie et l'Angleterre seront disqualifiés du tournoi en cas de nouvelles violences. Et le ministère de l'Intérieur a interdit la vente et la consommation d'alcool les veilles et jours de match, ainsi que dans les fanzones, dans les périmètres dits sensibles. La poursuite des grèves, le trafic des trains devrait légèrement s'améliorer ce lundi avec 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10. Dans l'aérien, 20% de vols annulés à Air France. Les opposants à la loi travail attendent beaucoup de manifestants demain pour la journée de mobilisation nationale prévue à Paris. La mort d'un Italien de 33 ans dans le massif du Mont Blanc. Installé depuis peu à Chamonix, le jeune homme a été retrouvé sans vie à 2000 mètres d'altitude après plusieurs heures de recherche. Il a été victime d'un accident de wingsuit qui consiste à voler avec une combinaison en forme d'aile gonflable. Un saut en plein brouillard. Retour au sport avec la suite de l'Euro de football. Trois matchs aujourd'hui. L'Espagne face à la République tchèque dès 15h à Toulouse. Suivi de Irlande, Suède à 18h à Saint-Denis. Puis Belgique, Italie à 21h à Lyon. La France, elle jouera mercredi le 15 juin contre l'Albanie. Unai Emery, tout proche du PSG. Le FC Séville a officialisé hier le départ du Basque de 44 ans. Il devrait donc succéder à Laurent Blanc. Montpellier jouera la seconde demi-finale du championnat de France de rugby. Les Héraultais se sont imposés à domicile hier 28-9 en barrage contre Castres. Montpellier retrouvera donc Toulon samedi en demi-finale à Rennes, où Clermont sera opposé au Racing 92 dès vendredi soir. Et puis enfin, il y avait de la Formule 1 ce week-end. Victoire de Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes hier à l'arrivée du Grand Prix du Canada à Montréal devant Sébastien Vettel et Valtteri Bottas. Prochaine course dimanche, le Grand Prix d'Azerbaïdjan sur le circuit de Bakou. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil. Bon réveil à vous tous les amis, bienvenue sur Virgin Radio, on est en direct, j'ai oublié Alexia qui allait dire bonjour évidemment, bien sûr comme chaque lundi, je me remets un petit peu dans le bain, soyez les bienvenus en tout cas sur Virgin, on est là jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe bien sûr. Oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse comme si on n'avait rien vu, non. On recommence? Non, il faut tout assumer, on assume tout ici. Et donc Alexia qui est là au 3916 pour démarrer cette émission. Et Alexia, si j'ai bien compris, je t'ai coupé la chic. Ah mais il n'y a pas de souci. Salut à tous, salut Camille, salut tout le monde. Salut ma belle. Alors tu voulais nous... tu viens d'où déjà Alexia? Moi je suis Douai, dans le Nord. D'accord, et alors tu t'es là avec nous à 6h. Il faut... moi je suis tellement impatient de vous retrouver. Dès qu'arrive 6h, ouais. J'appuie, je démarre quoi. Je vais à 1000 à l'heure. Ma petite Alexia, tu fais quoi dans la vie? Je suis prof. Prof, c'est-à-dire prof des écoles? Non, je suis prof en collège. Je suis prof d'anglais en collège. C'est le bac cette semaine, les amis. Hein. Ouais. C'est J-2. Et mon fils a une moyenne de merde. Et je pense que je ne peux pas l'avoir. Et voilà, quoi. Ah, il est en terminale? Ouais. Alors, il faut savoir que là, c'est horrible ce que j'ai pour vous. Quoi? Horrible. Qu'est-ce qu'il y a? On est exactement à 2 jours, 1h, 55 oh. minutes et 18, 17, 16, 15 oh là secondes là. Du bac. La pression. C'est horrible. Non, ça, c'est horrible, il faut m'enlever ce compteur. Hein. T'as l'impression de le passer ou pas? Ah non, mais c'est horrible. Mercredi, philo. Jeudi, histoire géo. Vendredi, épreuve anticipée de français. Ah là là. C'est ouais. Genre comme le français, mais tu l'anticipes. Ouais, c'est du participant anticipé. Le français de demain, en fait. C'est du verlan qui n'existe pas encore. Exactement, c'est la façon de parler. Lundi, oui. 20 juin, les maths. Ça, c'est décisif. Moi, faut pas que j'y aille. On est tous dans la même situation face au matin. Oui, Laure. L'angoisse. Moi, j'avais oublié ma calculette au bac. Alors, je t'explique. Sans calculette au bac, c'est comme si t'avais pas de main, en fait. Ouais. Mmh. Oui, mais t'avais ton boulier. Bah oui, toi, c'est. Ça suffisait à l'époque. Ça y est. Mais pareil, vous n'y avez pas l'horloge, vous comptiez avec le soleil, non? Il y avait un truc. Et avec le soleil, vous saviez à quelle heure l'examen était fini. Voilà, je vous embrasse tous. Ouais. Merci. Au lieu de dire vous avez 4 heures, il disait vous avez 2 lunes. Oh là là. Mardi prochain. Physique chimie LV2. Oh. Il fait quoi en LV2 ton fils Alexia? Bah il fait rien. Espagnol. Ah bah oui. Espagnol, là ça pas simple hein. Mais gustas. Oui, Nico Dubio. Espagnolo es facilo, mais no hablo espagnol quoi. Il doit connaître à tout casser 5 mots. Et tu peux pas l'aider? Ça, non, moi j'en ai jamais fait, moi j'ai fait de l'allemand, donc ça va faire très juste pour faire une expression écrite 5 mots. Et je vais dire, s'il connaît que 5 mots au bout de 4 ans, il est peut-être pas trop tard pour partir sur l'allemand. Non, il te reste 5 jours pour essayer de le mettre en allemand. Oui, Nico. LV2, c'est vraiment le truc, tu révises quand même, mais tu sais que de toute façon c'est un coef 2 ou 3, donc tu fais, bon, je fais l'impasse, c'est pas très grave. Ouais. LV2, c'est le seul truc où tu l'apprends 7 ans et 2 ans après, c'est comme si tu n'avais jamais parlé d'allemand. C'est clair. On dirait que tu n'en as jamais fait. C'est-à-dire, le moindre mot, tu ne sais plus parler. Tu le fais vraiment pour l'école. Ouais. Oui, Pauline, au standard. Mais surtout que moi, LV2, ils m'ont fait changer 3 fois. J'ai fait espagnol, allemand et après, j'ai fait italien. Mais pour quelle raison? Mais je sais pas, je vais me changer de classe. Il y a une fois, ils se sont trompés. Je suis arrivée, j'ai fait, mais pourquoi je fais italien? Et donc là, ils t'ont laissé en italien? Bah ouais, ils m'ont pas changé, du coup. Mais j'adorais ma nouvelle classe. Donc, Et laquelle tu parles le mieux? Italien, espagnol ou allemand? Espagnol. L'espagnol quand même? Ouais, si. Si? Si. Si. Ah, donc ça, c'est le mieux, quoi. Si, que calor. Que calor, bonjour. Si, que calor. Oui, Clément. Non, Pauline, tu l'aurais envoyé, tu sais, il se serait trompé, elle serait arrivée en CM1. Elle aurait rien dit. J'étais quand même en seconde l'année dernière. Et je m'entendais hyper bien avec ma nouvelle classe. J'ai dit, on reste, quoi. T'as créé non plus d'ennui. Mercredi SVT, science de l'ingénieur. Bah, c'est quoi ça, science de l'ingénieur? On est où là? C'est des nouveaux trucs ça. Bah oui, mais bon, merci. Ça dépend des filières en plus. Oui, ça. C'est pas pour tout le monde, ça, science de l'ingénieur. Écologie, agronomie et territoire. Ça c'est top. Ah, ils ont tout mis. Eh oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? On en fait une seule matière. Écologie, agronomie, territoire. Il y a tout ensemble. Et ils ont mis trois matières ensemble. Alexia, ma chérie, en tout cas, on va te souhaiter un bon réveil et surtout, on va souhaiter bonne chance à ton fils. Hein. Bah écoute, c'est super, super, super gentil. Et puis bah, on garde les doigts croisés, puis on verra bien ce qui se passe. Alexia, ouais. T'as l'air au bout du rouleau. Ouais, carrément, là. C'est pas lui qui stresse, hein, c'est moi. Ah, mais je sais, c'est normal, oui, Laure. Mais en tant que prof, il n'y a pas moyen d'intercepter les copies de son fils? Non, carrément. Bah non. Bah non. Hein. Ouais, c'est non, attends. Il y a pas moyen parce que ce serait pas bien, ou il y a pas moyen? Il y a pas moyen tout court, quoi. C'est vraiment juste pas possible. Ouais. Sinon je l'aurais fait. Que j'aurais couché avec le directeur du jury. Chérie, c'est pas pour te tromper, c'est pour que notre fils ait le bac. C'est exactement ça. Clément. Non, mais t'as vu les nouvelles filières dont on parlait? On dirait des thèmes de Trivial Pursuit. C'est genre peinture et divertissement maintenant, il va y avoir. C'est bien. Ouais. Franchement, c'est écologie, agronomie et territoire. C'est au moins un camembert pourpre. C'est pourpre. Tu prends cette question? Ah bah oui. Alexia, ma chérie, je t'embrasse encore très très fort. Et Alexia, comme vous tous qui nous écoutez, vous le savez, hein, loyer au 7 12 13 par SMS. Il suffit de vous inscrire dès à présent et vous serez peut-être le gagnant déjà dans 10 minutes à peine pour le premier tirage au sort pour le loyer. Et ce sera comme ça toutes les heures sur Virgin. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Qu'est-ce qu'on a aussi comme cadeau? On vous envoie partout en Europe des séjours tout frais payant en Europe cette semaine. Oh, on vous envoie la Summer Party. Ouais, c'est ma break party. À Disney. C'est à Disney, c'est des places à gagner aussi. D'ici quelques minutes, restez avec nous sur Virgin Radio. On a aussi des packs, tiens, smartphone et tablette. Ah, trop bien. On a des beaux cadeaux ce matin encore. Beau, et le pop rock électro de Calvin Harris. This is what you came for. Wow. Anglais LV1. Hein, anglais LV1. LV7. Je suis en galère. Bon réveil à vous tous. Merci de nous avoir choisis, les amis. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. day. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Excellent réveil à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio, lundi le 13 juin, aujourd'hui l'équipe qui est là bien sûr. Oui, vous tous. Oula, Clément, calme-toi. Ouais, pardon d'être content. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end là? Lui, je peux vous dire, il a fond. T'as passé un bon week-end? J'ai passé un très bon week-end, j'ai regardé beaucoup de foot évidemment, hein, comme ah tout le monde. Ça y est, là, ouais. Et du coup, dès qu'on me dit ça va, je dis ouais, Et n'oubliez pas cette phrase importante, le foot a ses raisons que votre femme ignore. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on passe des bons week-ends nous? C'est génial. Le 13 juin, je voulais vous souhaiter un bon courage. Vous tous qui avez bossé cette nuit, vous qui êtes déjà en train d'ouvrir les yeux. Je viens de voir une info en Chine. Oui. La police a découvert pendant un contrôle qu'un vendeur proposait des poulets périmés depuis 46 ans. Mais non. Oh là là. Mais quelle horreur. C'est horrible. Et comment ça se voit pas et tout? Alors en fait, pour cacher les odeurs, le vendeur traitait les poulets avec du peroxyde d'hydrogène pour tuer les bactéries. Mais c'est une catastrophe. Et les gens les achetaient, ils étaient périmés depuis 46 ans. C'est une catastrophe. Nico du bureau. Ils sont coutumiers du fait en même temps en Chine parce qu'il y a aussi les œufs de 100 ans par exemple. Ah oui, mais c'est vrai, c'est, ils mangent ça. C'est bon, c'est en Thaïlande. Oui, ça va. Soyons précis. Oui, ça va. Tu crois quoi? Il y a une émission là en ce moment même en Chine où ils sont en train de dire ouais, dis donc, les Français ils mangent des gaufres. Ils sont pas en train de dire excuse-moi, c'est des pêches. Il n'y a pas une relou, il n'y a pas de Chun-Li au standard qui prend la parole pour dire pardon, c'est pas les Français qui mangent des gaufres, c'est les Belges. Oui, mais j'ai pas parlé merci, pour rien. Bonne journée. Non, mais c'est pas possible. Chun-Li du standard. Bah, Chun-Li du standard. C'est que moi où il y a la standardiste qui vient tout casser quoi. Oui, alors est-ce qu'il y a un truc que tu manges, même après la date de péremption, qui est périmée, qu'on soit clair, hein, pas 46 ans, mais de non, quelques jours, ans. Quelques semaines. Mais moi, je jette très peu de choses, je revisite. Donc, par exemple, tout ce qui est fruits et légumes. Comme ton mec. Je jette pas, quand ça va plus, je le revisite. Non, mais par exemple, les fruits et les légumes, je les jette jamais. Je fais des soupes, des compotes, quand ils sont abîmés. Donc, tu jettes rien, Clément? Moi, l'autre jour, j'ai mangé des pâtes qui expiraient fin 2015 et je suis vivant. Tout va bien pour l'instant. Ça va, moi les pâtes ça me ferait pas peur non. Non, non, ça périme pas. Moi c'est comme les capsules de café. Ah. Oh bah oui, mais il y a une date de péremption. Ouais. On va être périmé depuis un an et demi. Moi je les bois quoi qu'il arrive. Sans prix que ça vaut, je vais pas les jeter. Ça tu m'étonnes. Oui, Pauline, Chun-Li au standard. Bah moi rien justement. S'il y a une date, c'est qu'elle doit être respectée. Ok. Okay. Ouais, si on va bien se marrer avec Pauline ce matin. J'aurais pas dû poser la question parce qu'en fait je m'en fous. Je cherche en même temps. Coombs, This Girl, voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Restez avec nous, je vous souhaite un excellent réveil. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h30. Bon réveil. Géant, c'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. Une remise immédiate de 30% sur le pack de 40 bouteilles de 20 centilitres Kronenbourg, soit les 40 bouteilles de Kronenbourg à 10,42€ au lieu de 14,89€. Géant pour votre pouvoir d'achat, non? Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés, ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé. Mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. MAF Assurance, bonjour. Oui, je voudrais confirmation d'un bruit un peu fou qui court en ce moment. Je vous écoute. Imaginez-vous qu'on dit que la MAF offre 2 mois gratuits pour mon nouveau contrat auto, souscrit avant le 24 juillet 2016. Vous vous rendez compte? Bah c'est vrai. Vrai? 2 mois gratuits? C'est ça, pour votre nouveau contrat auto ou moto souscrit avant le 24 juillet 2016. 2 mois gratuits, Miss MAF, vous êtes impayable. Conditions sur maf.fr et dans les agences MAF. Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et un ciel très couvert aujourd'hui sur tout le pays. Des averses à peu près partout et des orages sur le nord-est. De belles éclaircies uniquement sur le sud-ouest et puis de la pluie sur la Corse. 15 degrés cet après-midi à Cherbourg. Vous aurez 17 à Lille, Beauvais, Colmar et Limoges. 18 à Paris, Brest, Nancy, Tours et La Rochelle. 19 à Rennes, 20 à Bordeaux, Biarritz et Chambéry. 21 à Toulouse, 22 degrés pour Lyon. 23 à Nice et à Valence. 24 à Nîmes, Marseille et Ajaccio. La maximale 25 du côté de Perpignan et de la pluie toute la semaine. Bon réveil. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio, le nouveau Kygo. Le nouveau Milo. Le nouveau Red Hot Chili Peppers. Le nouveau Synapson. Radio. Dans Duotime, il y a duo pour deux et time pour le temps. Et oui, avec Duotime, le temps d'être deux est venu. Vous êtes seul, célibataire, séparé, divorcé? Appelez le 08 92 05 04 03 pour faire la rencontre que vous attendez. Avec Duotime au 08 92 05 04 03, rencontrez la personne qui vous fera rire, qui vous fera confiance et qui vous aimera et que vous aimerez. Duotime au 08 92 05 04 03. Vous ne serez plus jamais seul. Euphonie à 34 centimes la minute. Vous cherchez un endroit où vous sentir libre? Virgin Radio présente le Sziget Festival. Le festival immanquable sur l'île de la Liberté. Au cœur de Budapest. Le Sziget, c'est le prix du meilleur festival européen. 400 000 spectateurs, plus de 80 artistes. Du 10 au 17 août 2016 avec Muse, Rihanna, David Guetta, Sia, Jane, Parov Stella, Jess Glynn, Codeline, M83, Years and Years. Infos et réservations sur virginradio.fr et ziggetfestival.fr. Le Sziget Festival, forcément, un festival Virgin Radio. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Excellent réveil à vous tous, 6h20, bienvenue sur Virgin Radio si vous nous rejoignez tout juste. Ça y est, c'est lundi, nouvelle semaine qui démarre et on est à vos côtés encore pendant 15 jours. Et avec quel énorme plaisir, je peux vous le dire, pendant 15 jours encore, du lundi au vendredi, 6h, 9h30, le Virgin Tonic, c'est votre rendez-vous. Avec le plus beau cadeau, toute radio confondue. Et nous, dès 6h, on n'attend pas 7h pour faire des beaux cadeaux. Ben non. On pense à ceux qui se lèvent bientôt. On est là d'ailleurs depuis 5h avec Roba, avec le warm-up du Virgin Tonic. Et c'est parti, premier tirage au sort de la semaine. On tire au sort parmi tous les SMS reçus. Loyer au 7-12-13. Voilà le numéro qu'il faut composer. Vous me laissez bien votre numéro de téléphone. Et on vous rappelle en direct. Combien de loyers offerts la semaine dernière? Est-ce que je peux avoir le chiffre que je demande à peu près tous les lundis 6h20? On n'ira pas l'avoir un jour. Allô? Oui. Bonjour, qui est là? Johan. Johan, comment vas-tu? Ça va, ça va. Elle vient d'où celle-ci? D'Ouvre. C'est Pas-de-Calais, ça? Oui, c'est ça, oui, dans le 62. Eh, t'as vu? La baroudelle qu'on bat là? Ouais. Ouais. Ah là là. Je sais plus si c'est Marc Lévy ou Marc Repère qui disait nos régions du talent. Mais ça m'a inspiré. C'est pour ça que chaque jour, je pars à la rencontre des gens. Johan, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Ouais. Exactement, ma petite Johan. Tu vas être notre première gagnante de la semaine. Je suis très, très, très heureux. C'est pas vrai. Ah oui, c'est toi qui donne le ton, ma belle. Tu as un loyer de combien? 475 euros. Et bah très bien, le chèque, je te le fais dès cet après-midi et tu ne paieras pas de loyer au mois de juin, d'accord? Ouais, super, merci beaucoup, vous êtes génial. Eh ben merci à toi ma belle, merci de nous écouter. Courage pour ta semaine. Bisous. Merci beaucoup. Gros merci bisous. À vous. Salut Joanne et bon courage à vous tous qui ouvrez les yeux. Désolé pour ce pour tous ceux pardon qui n'ont pas été tirés au sort. Prochain tirage, c'est à 7h20. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Et Kungs, This Girl, il est d'Aix-en-Provence, ça ne gâche rien. Le morceau, c'est un des tubes de l'été. Bon réveil. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Et bienvenue sur Virgin Radio. Virgin 6h25, lundi 13 juin, nouvelle semaine qui débarque. L'équipe est là, bien sûr. Oui, alors, il y a Clément, il y a Pauline. Semaine qui débarque ne veut rien dire. Semaine qui démarre, ça veut dire quelque chose, je m'excuse. Merci en tout cas d'être avec nous, 6h30. Dans un instant, on fera un point complet sur l'actu. 6h35. Ah oui. Nouveau réponse à tout. Clément, est-ce que tu as bossé ce week-end? J'ai bossé. Non, j'ai rien foutu. J'ai demandé aux enfants ce que c'était qu'un fou. Et vous allez voir, chacun sa définition. À quel moment ils considèrent que quelqu'un est devenu fou? Ouais. Ah, c'est cool. C'est la première fois que tu parles de toi. Hein. Ah, mince. Ah non, bah non. Bah, arrêtez. J'ai trouvé un chiffre, tiens, qui m'a fait rire. Ouais. Vas-y. Parce que moi aussi, je vais vous dire, ça me le fait. 40% des Français hésitent régulièrement quand ils écrivent ce truc. Vous savez s'il faut mettre ce SE ou ce CE? Ah oui, si c'est. Oh bah quand même. Oh bah non. Il n'y a pas quand même. Ça, c'est des. En fait, les règles de grammaire, je t'expliquais. Tu as des blocages sur certaines et tu n'arriveras jamais à les passer. Ah bon? C'est des trucs que tout est lié au primaire. C'est trop dur. Si tu n'apprends pas bien en primaire, tu ne sauras jamais. Comme moi, basket, le mettre un panier de basket, c'est pas très compliqué et tout. En primaire, j'étais nul. Et depuis, je m'entraîne, je faisais sous le panier. Tu progresses pas. Il faut 15 essais, je progresserai jamais de ma vie. Je suis condamné à être nul à ça parce que j'ai mal fait petit. Moi, par exemple, en photogénique. En photogénie. Sur les photos. Ah oui. Oh mais ah oui. Toujours la même tête. Non mais t'es hyper photogénique. C'est juste parce qu'en fait tu t'entêtes à faire une tête qui te va pas. Je suis pas du tout photogénique. Non, mais c'est mais que j'ai la même tête sur toutes les photos de l'histoire des photos. Parce alors, que tu fais la de même la tête. Première à la dernière. Bah oui, c'est ce que je veux. Je veux avoir. Parce que c'est la seule tête que j'accepte, Clément. Nico du bureau. En plus, il y a des cours de photos chaque année à l'école, la photo de classe. Tu dois prendre sa photo et t'étais beau sur la photo de classe ou pas? Non. D'accord. J'étais petit, donc j'étais tout devant avec, tu sais, celui qui tenait le panneau. Salut, bienvenue en 4ème B. Ah non, moi aussi j'étais devant. Ah, moi je suis avec des chemises Sun Valley beaucoup trop grandes que j'ai récupérées à mon frère. Non, cata. Ma petite Pauline, est-ce qu'il y a un truc sur lequel t'as jamais progressé à part la radio? Merci. En tact, je pense. En quoi? En tact. Alors moi j'en ai plein. Oui, évidemment. Tu vois? Tu viens de le voir. Ouais. Je pense qu'on est au même niveau. Non, mais ouais, depuis toute petite, et quand quelqu'un, par exemple, une copine me demande si elle a grossi. Ah, t'es frontale toi. Bah ouais, je suis frontale. Bah, ouais. Mais n'empêche qu'elle vienne me demander à moi du coup. J'ai ça aussi. T'es honnête. Moi j'ai ça aussi. Je suis assez direct. Oui, Laure. Enfin, Pauline, elle te dit si t'as grossi, même quand tu ne lui as pas demandé. Et Laure, au fait. Oui, pardon, je partais. Oui, non, 2 secondes. Oui, t'as grossi. Hein. Non, je dis la plage est dans 10 jours. Oh la violence. Est-ce qu'il y a un truc dans lequel vous aussi n'avez jamais progressé? Peut-être l'orthographe, comme on en parlait tout à l'heure, peut-être autre chose. Fabrice est avec nous, 3916. Bonjour Fabrice. Salut Camille. Ouais, ben moi il y a un truc pour lequel j'ai jamais progressé, c'est de mettre mes lentilles. Ça fait 10 ans que j'essaye, hein, parce que je dois porter soit des lunettes, soit des lentilles. Ben je ferme toujours l'œil quand je dois me mettre la lentille, en fait. Ah, donc tu portes des lunettes, tu n'arrives pas à mettre la lentille? Ah mais c'est horrible, j'ai jamais progressé. C'est-à-dire que des fois c'est ma chérie qui est obligée de me les mettre. Alors je vais dire un truc, tu souffres du même syndrome que ma maman. Ah ouais? C'est-à-dire? Bah, elle n'arrive pas non plus. Elle peut pas mettre des lentilles, ça l'angoisse. Mais après, elle sait pas non plus faire marcher un magnétoscope. Hein. Donc, je veux pas te faire peur, Fabrice, mais dans tout, tu vois, c'est-à-dire, elle dit Facebook, hein, ma mère, par exemple. Trop mignon, ouais, tellement chou. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que les lentilles, ça fait un blocage. Et du coup, elle a peur que, je sais pas si c'est ton cas, Fabrice aussi, une fois qu'elle emporte, elle a peur que la lentille passe de l'autre côté de l'œil. Ouais, non, c'est pas possible. Ça n'arrive pas. Oui, c'est pas possible. Non, ça non. C'est horrible. Non, moi, ça non, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, quand même, je devrais savoir les mettre et les enlever direct comme puissent mes potes. Mais non, c'est impossible. Eh ben non, impossible. Ma mère, c'est pareil. Elle a jamais progressé là-dessus et pour brancher sa Livebox. Ouais, ça, c'est pareil. C'est les deux drames de sa vie. Oui, Clément. Moi, l'opticien, il m'avait dit cette phrase, mais ça m'avait marqué. Je devais être en 5e. Il m'a dit vous avez plus de chances que votre doigt sorte par votre oreille après que la lentille parte derrière. Ouais, donc, ça n'arrivera jamais. Et depuis, j'arrive à les mettre, c'est vrai? Mais dis donc. Non, c'est pas une vanne, ça. C'est pas une blague. Et notre journaliste en studio a beaucoup ri. Cette phrase, on sait pas pourquoi. Oui, Laure. Merci. Moi, je les ai mises à Juju pendant presque un an. Il n'arrivait pas à les mettre tout seul. On parle toujours des lentilles. What else? C'est pour être sûr, ça va tellement vite cette émission. D'accord. Il est que 6h30. Fabrice, je t'embrasse très fort. Merci d'être avec nous, mon bichon. Reste avec nous sur Virgin Radio. La plage, c'est dans 10 jours, Laurent. Oh, merci. Soyez les bienvenus, les amis. Nous sommes le 13 juin. Aujourd'hui, c'est lundi. Nouvelle semaine qui démarre. On est très, très, très heureux d'être avec vous. On fait un point sur l'actu rapidement. On revient dans un instant. Bon réveil à vous, les infos partout en France. C'est avec notre Tristan Sarah qui se marre en studio, mais alors comme un baleineau. Mais tout seul. Oh ouais, comme un baleineau, lui, il est bien tranquille, il passe sa matinée peinard. C'est à toi, mon Tristan. Bonjour Camille, bonjour à tous. Il ne va pas faire très beau aujourd'hui à Paris comme en province. À peine quelques éclaircies sur le sud-ouest, de la pluie partout ailleurs avec des orages de l'Auvergne à la Franche-Comté. Un mercure à 20 degrés en moyenne pour cet après-midi et de la pluie toute la semaine. Le retour du soleil est prévu pour le week-end. Les États-Unis sous le choc à présent, un massacre à Orlando. La ville de Floride a été la cible d'un tireur de masse. Un homme qui a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay, faisant 50 morts et 53 blessés. Le tireur avait prêté allégeance à Daesh juste avant de passer à l'acte et le groupe islamiste a revendiqué l'attaque. Le FBI a ouvert une enquête pour terrorisme. C'est la fusillade la plus meurtrière qu'ait connue le pays. Barack Obama a condamné, je cite, un acte de terreur et de haine. Et la communauté homosexuelle a échappé de peu à une autre attaque sur la côte ouest. Cette fois, un individu lourdement armé, a été interpellé en marge de la Gay Pride qui se tenait ce week-end à Los Angeles en Californie. Il voulait, dit-il, y causer des dégâts. La Russie et l'Angleterre seront disqualifiées de l'Euro 2016 en cas de nouvelle violence. Réaction de l'UEFA après les rixes entre hooligans ce week-end à Marseille, en ville et au Vélodrome. Des violences qui ont fait 35 blessés, dont plusieurs graves. 10 suspects sont en garde à vue. Plusieurs seront jugés dès aujourd'hui en comparution immédiate. Le suivi des délinquants sexuels au cœur d'un procès dans le Gard. Un homme va être jugé à partir d'aujourd'hui pour l'enlèvement, la séquestration et le viol d'une adolescente de 15 ans en 2012. La jeune fille a été kidnappée devant son domicile, puis enfermée dans le coffre de la voiture de son ravisseur au cours d'un périple en France, en Italie et en Allemagne. Le prévenu était un récidiviste. Verdict attendu mercredi. La loi travail débarque aujourd'hui au Sénat. Une nouvelle bataille politique entre la majorité de droite et le gouvernement de gauche. Sur fond de contestation sociale, la grève se poursuit aujourd'hui encore à la SNCF. 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10. Et dans l'aérien, avec 20% de vols annulés chez Air France. Grève aussi dans le ramassage des ordures dans certaines villes, dont Paris, avant la grande manif nationale prévue demain dans la capitale. La suite de l'Euro de football, 3 rencontres au menu du jour. Espagne, République tchèque à 15h, R Suède à 18h et Belgique, Italie à 21h. Et hier, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0, la Pologne s'est imposée 1-0 sur l'Irlande et la Croatie a battu la Turquie 1-0. Voilà pour l'actu tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Excellent réveil à vous tous, 6h32, bienvenue sur Virgin Radio, on est en direct à vos côtés comme chaque matin. Bien sûr, c'est parti pour une nouvelle semaine avec Laure, ouais. Avec Clément. Bonjour. Avec la popo du standard, bien sûr. Un numéro pour joindre Pauline, c'est quoi? C'est le 3916. Oui. Ça y est, on est déjà à la moitié de l'année, vous vous rendez compte? On est déjà quasiment à la moitié de l'année et pourtant 2016 c'est l'année du 3916. J'ai l'impression que c'était hier le réveillon. C'est hyper bizarre. Et là, ça y est, on est déjà bientôt à 6 mois de passer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça fait quand même déjà 6 mois quand on était aux ors chez tes parents, tout ça, ça fait un petit moment. Ça passe trop vite cette année. Bientôt l'été. J-moins combien avant l'été? J-7. J-2 avant le bac. On vous souhaite beaucoup de courage, les parents, les enfants, vous tous qui êtes un petit peu stressés par l'épreuve, bien sûr. 39-16, donc vous pouvez joindre Pauline. Vous repartez dans un instant avec un séjour tout frais payé pour le Summer Break Party de Disneyland Paris. Alors la musique là, c'est parce que ça se passe à Disney, mais les artistes que vous allez retrouver pour cette soirée exceptionnelle, vous les connaissez, vous les avez découverts chez nous. Offenbach, qui étaient nos invités il y a quelques semaines. Yes, ça aussi. Google. Eh bien, bien sûr, Hugel, bien sûr, qu'il y aura qui d'autre? C'est déjà bien. Allez, déjà bien. Ok. Ah, ça finit à minuit, hein. Il y aura peut-être plus tôt. Vous savez quoi, oubliez cet événement. Je vais vous offrir un pack smartphone avec une tablette Arcos. Je vais pas vous envoyer à Disney voir. Bah, de gars, c'est pas possible. Non, non, allez. Les amis, je vous offre un pack smartphone avec la tablette Arcos édition limitée équipe de France dans un instant si vous m'appelez au 3916. Tu sais, il y a des moments, c'est au moment où tu vends les cadeaux, tu te dis, nah, on est pas. Non. Non, mais c'est Disney. Parce qu'en fait, je vous dis, les cadeaux, c'est normal, c'est comme ça la radio. On vient, on nous dit ouais, on a ça et tout. Et vraiment, je remercie Virgin. Et vraiment, vous le savez, on essaie de vous faire les plus beaux cadeaux possibles. Et là, on me dit oui, c'est à Disney, il y aura les trucs. Je me dis ah, c'est bien. Puis là, bah, on va pas se mentir, c'est pas ouf. C'est limité. Oui, bah du coup, donc on va partir plutôt là-dessus. Hein. Pack smartphone, tablette Arcos, c'est pour vous à gagner dans un instant. On fait les briefings en direct, hein. C'est lundi, les amis. Hein. Zara Larsson qui arrive dans un instant, ça c'est pour le pop rock électro que vous aimez. Mais pour le moment, 6h35, le réponse à tout. Tonique. Réponse à tout. Passons la réponse à tout. Le réponse à tout, Clément descend dans la rue, même le week-end, poser des questions uniquement aux enfants. Et ce matin, j'aurais demandé ce qu'était un fou. C'est quoi un fou? Bah, c'est un taré qui veut toujours crier. C'est une personne qui est atteinte psychologiquement et qui fait n'importe quoi. Un fou, c'est quelqu'un qui fait plein de bêtises. Un fou, c'est quelqu'un qui vole, qui prend des enfants. Mais qui vole comme Superman? Mais non, il vole des choses. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Ça crie comment les fous? Les fous, ils boivent de l'alcool tout le temps. Un fou, c'est une personne qui fait n'importe quoi et qui pense qu'à crier et faire n'importe quoi dans la rue comme ça. Il court en culotte dans la rue. À quoi on reconnaît un fou dans la rue? Bah on s'approche pas de lui parce que si on l'entend crier, bah ça veut dire qu'il est taré. Bah c'est très simple. On se demande comment est Camille Combal et puis on compare. Le réponse à tout. Dis donc la cruste, ce serait pas soufflé aux enfants ça? Je t'assure que non. Hein, on passerait pas par les enfants pour régler ses comptes. Bien. Les amis Zara Larsson, vous l'écoutez ça, moi je l'adore ce morceau. C'est ce que je vous ai préparé là pour bien démarrer votre journée. C'est parti, c'est Lush Life et c'est en direct dans le Virgin Tonic. On est très heureux de redémarrer cette nouvelle semaine avec vous. Hi, it's Zara Larsson on Virgin Tonic. No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna say too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last, live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, I kept saying I'ma stay in touch. That thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff, I'm just better off without them cups. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh, yeah. À vous tous, Zara Larsson sur Virgin Radio, 6h39. Virgin Tonic. Merci d'être avec nous, les amis. Merci de nous avoir choisi cette nouvelle semaine qui démarre avec toute l'équipe qui est là, bien sûr. Yeah, oui. Le pop rock électro que vous aimez dans un instant. Star Sailor, Four to the Floor. Cool. Et pour le moment, un très très beau cadeau à vous offrir au 3916, un pack smartphone avec la tablette Arcos, édition limitée, équipe de France. C'est génial. Ah, ouais, c'est énorme. Ouais. Très très beau cadeau. Voilà, dès 6h40, nous on vous fait des beaux cadeaux ici. C'est au 3916 que Marie a été tirée au sort. Bonjour Marie. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Bonjour. Marie ma belle, sois la bienvenue. Bonjour de vous avoir. Merci beaucoup. Et moi aussi, tu viens d'où ? Je viens d'Arras. D'accord, dans le nord de la France, Arras. Oui. Eh bien attention, ma petite Marie, on va faire pour toi, ça va pas être simple, hein, le rêve ou réalité. C'est-à-dire que ils sont tous mis d'accord là à l'instant. Ils vont tous te raconter une anecdote, mais une seule est vraie. Si tu retrouves qui est la seule personne qui n'a pas inventé son anecdote, eh ben tu repartiras avec ce très très beau cadeau. Juste pour nous mettre un peu l'eau à la bouche. Moi je suis comme toi, hein, Marie, comme vous tous qui nous écoutez. Je ne sais pas qui dit vrai, je ne sais pas qui dit faux. Laure, ton anecdote ce sera quoi ? Massage professionnel. Massage professionnel. Dis donc. Clément, rencontre avec la descendance de la légende. D'accord, en un mot. Hein. Et Pauline. Fantôme. Oh, j'aime bien. J'aime bien les histoires de fantômes, ça me fait toujours peur. Attention, on y va, jingle, et on verra qui dit la vérité. Merci. Rêve ou bien réalité. Allez, on commence avec leur massage professionnel. Moi, je finirai par Pauline Fantôme. J'adore les histoires de fantômes. Alors, quand j'étais jeune, quand j'avais 24 ans, je draguais un garçon et qui adorait les massages, etc. Et du coup, je lui ai dit que j'étais masseuse professionnelle. Et pour rendre le mensonge beaucoup plus crédible, je me suis fait embaucher dans un salon de massage. Et je l'ai fait venir. C'est-à-dire embaucher juste dans la journée? Tu leur as dit, mon chéri, viens, c'est moi qui le masse? Ou vraiment, t'as été embauchée? Non, je me suis fait embaucher. Mais t'ont pas demandé de diplôme ou quoi que ce soit? Non, il y a pas de diplôme. Enfin, pas dans un salon de massage de plaisir et de détente. Enfin, c'est pas. Je suis pas kiné. Non, mais attention, attendez, Attendez. Tu t'es fait embaucher dans ce genre de salon de massage? Un salon de massage. Genre, tout à fait normal, tout à fait respectable. Je sais juste, j'étais pas kiné, quoi, c'est ça que je veux dire. Plaisir et détente. Mais non, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle n'est pas kiné. Elle a pas, elle fait pas des trucs médicinales. Très bien, Laure. D'accord. Ça me paraît peu plausible. Mais oui, encore, Marie, hein, qu'on soit clair, hein, c'est peut-être Laure qui dit la vérité. Je veux pas t'induire en erreur, je ne sais pas. Clément, ton anecdote, on écoute. Vendredi, j'ai rencontré l'arrière-petite-fille d'Edith Piaf. Voilà, c'est tout. Allez, bonne journée, merci. Mais non, mais je la connaissais pas, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Et tu l'as rencontrée où? Après le match de l'équipe de France. Dans un bar, il y avait un groupe de personnes et on m'a dit que c'était l'arrière-petite-fille d'Edith Piaf. On t'a dit ou elle t'a dit? Bah, on m'a dit, après j'ai discuté avec elle et elle m'a confirmé. Ah d'accord, ok. Il me prend. Non, c'est vrai. Marcel, mon Marcel. Elle était comme ça dans le bar, il s'est dit. C'est les potes avec qui tu étais qui t'ont dit ça? Non, non, c'est les gens, enfin, c'est deux groupes d'amis qui sont croisés. Elle s'appelle Sophia. D'accord. Mais Sophia elle, Piaf? Non, elle s'appelle pas Piaf. Elle s'appelle Gassion. Ouais, ouais, ouais, comment Gassion. Ah, tu lui as même demandé son nom de famille. Bah non, mais je crois que le vrai nom de. Tu sais que Gassion, si t'enlèves la cédille. ça fait Gassion. Très bien. Ouais. Clément, on n'en saura pas plus. En tout cas, j'espère vraiment que c'est pas une des deux vraies parce que vraiment elles sont nulles, vos anecdotes. Oh non, en fait. Non, toi alors, elle est pas mal. Mais ça me paraît énorme, mais elle est pas mal. Et moi, alors c'est pas ouf. Bah, c'est quand même là une légende, quand même, Madame Piaf. Non, mais Madame Piaf, oui, mais l'arrière petite fille dans un bar. Ouais. Bah, il m'est arrivé ça ce week-end. C'est pas c'est pas le truc le plus ouf, mais c'est ce qui t'est arrivé. Bah, parce que moi, j'invente pas comme les autres des mensonges. Ah ouais, je dis la vérité, c'est ce qui m'arrive. C'est bon, Clément, on va pas. On joue pas à la mairie, hein. C'est pas un débat pour avoir la mairie, c'est pas un débat du second tour. Calme-toi. Ça m'intéresse moins tout de suite. Pauline au standard, histoire de fantôme, j'adore ça, elle le sait. Alors, elle sait me manipuler, celle-ci. En fait, il y a la maison des Landes, donc la maison où on va avec toute ma famille. Et à l'étage. Attends, excuse-moi, la maison, c'est-à-dire ta maison de week-end, elle a un nom? La maison des Landes. Donc, c'est-à-dire la maison des Landes, c'est vous dites, venez, on va dans notre maison des Landes, c'est là où vous retrouvez toute la famille le week-end? On va à la maison des Landes, mais toute la famille, 40 personnes, elle appartient à tout le monde, cette maison. D'accord. Et un squat, quoi. Non, elle est bien. Et il y a un grenier. Et moi j'adorais aller y jouer et tout ça. Et une nuit on dormait dans la chambre en dessous du grenier avec ma sœur. Et on a entendu du bruit. Il y a 40 personnes. Non, non, mais personne ne dort dans le grenier. On a entendu, oui, enlève ton slip. On s'est dit, qu'est-ce que c'est? C'est un salon de massage de plaisir. Il y avait dit de caf. Et donc on a entendu du bruit. Et le lendemain on est allé voir avec mon père. Parce que bon, au début il ne me croyait pas. Et en fait il y avait des mâles avec plein d'objets de famille super vieux. Des hommes. Et donc les mâles étaient toutes mais éclatées par terre. Et surtout il y avait des vieilles quilles de bowling super grandes. D'ailleurs que j'ai vendu qui va être très cher. Oui, bon, mais ça va. La longueur de l'histoire. Et en fait les quilles étaient mises de manière à faire un 6. Comme le signe du diable. Mais on a eu trop peur. Oh là là. Ça fait peur. Ouais. Ah mais là, qui raconte dans l'histoire il y avait des qui en site d'ailleurs que j'ai vendu. Non, moi j'y crois pas. Il y a toujours d'autres anecdotes dans l'anecdote. Toujours. Marie, c'est ma chérie, dur. Vraiment, je peux pas t'aider. Qui dit la vérité? Je ne sais pas qui c'est. Marie. Alors là, ça me paraît vraiment hyper difficile. Après, pour si je peux te donner un indice, je viens de voir et je crois qu'Edith Piaf a jamais eu d'enfant. Bon, je présente Clément, je t'avoue que c'était pas sur toi que je doutais. Okay. Plus sur Laure, parce que je trouve que là, elle a toujours un peu des coups de chance et ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait fait ce genre de choses. Le fait que Pauline raconte une anecdote dans l'anecdote, je me dis que ça peut être possible. Alors, en tous les cas, Clément, pour le moment, Clément est éliminé. Non. Clément, est-ce que c'était toi? Non, c'était pas moi. Tu as complètement inventé. Piaf n'a pas eu d'enfant, pourtant j'avais cherché son vrai nom. Ce qui est fort avec Clément, c'est que quand il invente une anecdote, elle est plus chiante qu'une vraie anecdote. Fais-toi une petite ambiance, tu vois. Non, anecdote nulle. Entre Pauline et Laure, très vite, Marie, je rappelle, tu joues pour un pack smartphone avec la tablette Arcos. Allez, moi je vais dire que c'est Pauline qui a raison. Pauline, est-ce que c'est toi, oui ou non? Ah non, mais c'est pas vrai. C'était un mensonge, c'était Laure, malheureusement. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Plaisir et détente. Eh oui, tu n'as pas fait suffisamment confiance alors. Ouais, ouais. Je suis désolé, ma petite Marie, mais alors je vais quand même te faire un très très beau cadeau. On va t'offrir le Teddy de l'émission. On va prendre soin de toi au standard. On va te faire plein plein de beaux cadeaux. Mais malheureusement, eh oui, fallait pas faire confiance. Fallait faire confiance à Laure. Et en plus, j'ai pécho. Oh bah, j'ai massé et ah bah oui, ça bah forcément. Bah t'es allé loin, il faut dire pour ça. Et il a payé. Star Célon, for to the floor. Voilà ce qu'on écoute tout de suite pour le pop rock électro. Je vous souhaite un excellent réveil. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Merci de nous avoir choisi. Belle semaine à vous. Réveil à vous tous sur Virgin Radio, 7h10. J'espère que ça va pour vous, que ce lundi se passe bien, que vous allez passer une belle semaine. C'est le 13 juin, en tout cas nous on va vous accompagner tous les matins, 6h-9h30. On pense très fort à ceux qui ont bossé toute cette nuit, à ceux qui vont commencer le travail à 7h, qui sont déjà en voiture. Courage à vous tous, mom, aloha. Voilà ce que je vous ai préparé pour le pop rock électro. Et puis j'ai un loyer à vous offrir à 7h20, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Kia. Bienvenue au cœur du jeu avec Kia, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2016. Découvrez les séries limitées Kia Euro 2016 suréquipées avec navigation, caméra de recul et garantie 7 ans. Les adversaires sont débordés. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions sur kia.com. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnant PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%.

Bientôt 7h, bienvenue dans le Virgin Tonic. Les amis, vous êtes ici à la maison, vous le savez, du lundi au vendredi, 6h, 9h30 dans un instant. À 7h, comme chaque matin, un point sur l'actu avec tous nos journalistes. Plus de 60 en France à se réveiller pour vous faire une info près de vous, une info qui vous concerne vraiment. Et puis 7h05, enfin, la première question de ouf. Vous avez eu tout le week-end pour y répondre, Clément. La question, c'est quoi la demande en mariage idéale, puisqu'on a quand même marié des gens vendredi. Ah oui. On a marié des gens vendredi en direct. Thomas et Caro qui sont allés voir le concert d'Adèle. Ils ont fait un beau dîner dans Paris et ils ont fait quand même la demande. Il avait même la bague et tout. Ouais, hein. C'était tellement émouvant. C'était trop beau. Oh là là. Et nous, on était dans la blague et donc on s'est dit ah ouais, non, là c'est quand même, ça m'a ému de fou. Vraiment, on les embrasse très très fort. Thomas et Caro, ils sont beaux comme tout. Ouais. Et vous avez intérêt de nous inviter au mariage. Hein, je vous le dis, oui, Clément. C'était romantique vendredi et puis après, on a complètement zappé parce qu'il y avait du foot. Qu'est-ce que vous faites, les filles, pendant que votre mec regarde le foot? Tiens, Laure, ça m'intéresse. Moi, je vais la danse. Plein de filles, excuse-moi ma petite Laure. Au standard, vous êtes là au 39-16. Je vais vous demander ce que vous faites, les filles, pendant que vous regardez, pendant qu'on regarde le foot. Ça va être cliché, il y a plein de filles qui aiment aussi regarder. Mais c'est vrai que comment vous occupez votre temps? Bah, moi, je vais à la danse parce qu'en fait, les cours de l'après-midi, ils sont top, c'est ceux auxquels je vais. Mais les cours du soir, ils sont 100 fois mieux et je peux jamais y aller. Donc, quand il y a foot, je me régale. Tu vas au cours du soir de danse? Ouais, c'est trop bien. En plus, il dure plus longtemps et tout. Je rentre trop tard. Il s'en fout. Ah, moi, ma chérie, dans un autre registre, elle est en Angry Birds. Ah, c'est un autre. Apparemment, les jeux du soir sont mieux. Ah non, Angry Birds à fond. Donc, j'entends elle le bruit le à côté. Ouais. Comment? Elle met le son? Évidemment, sinon elle m'embêterait pas. Ah là là. C'est le seul but, c'est de ça, c'est d'avoir le son. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça, c'est horrible. C'est trop énervant. C'est génial. Qu'est-ce que ça m'énerve? J'adore. Vous savez que quand vous entendez ça, c'est ou Angry Birds ou un vieux film avec Louis de Funès sur des 8 ans. Ça, vous pouvez être sûr que c'est un des deux. Qu'est-ce que vous faites pendant que votre chérie regarde le foot? Tiens, Pauline, au standard. Moi, avec mon ex, je pouvais tout demander. Donc, je prenais sa carte bleue et je partais boire des coups avec des copines et tournée générale, quoi. C'était la fête. Non. Mais je pouvais tout lui demander, c'était oui. Donc, j'en profitais. Juste pour que tu le laisses tranquille. Ah ouais. Et il était là, vas-y, régale-toi. Et après, bon, il faisait un peu la gueule. Oh là là. C'est le moment et vous vous lâchez complètement à ce moment-là. Ah bah ouais. Mais alors, il y a deux solutions. C'est ou au contraire, vous profitez de la tranquillité ou alors vous voulez nous pourrir le match. C'est ça. Il y a deux grandes. Là encore, il y a deux grandes équipes qui s'affrontent. Hein. Tiens, Laurine, par exemple, est avec nous au standard au 39-16. Ma chérie, est-ce que. Ce soir encore, il y a Belgique-Italie sur M6. Ouais. Tout le monde va être devant le foot. Ma Laurine, qu'est-ce que tu fais pendant que ton chéri regarde le foot? Salut. Salut Camille, salut tout le monde. Alors, écoute, moi je m'installe confortablement avec lui sur le canapé. Je prends son portable et c'est le moment où je peux regarder le Facebook de mon homme. Je peux limite lui demander le code parce qu'il en a tellement rien à faire et il veut vraiment, je le laisse tranquille, qu'il me le file. Donc c'est génial. Mais c'est bon signe, c'est qu'il a rien à se reprocher, Pauline, au standard. Moi, ce que je faisais avec mon ex, je lui enlevais carrément des amis des fois. J'allais sur son Facebook, il y avait des filles, ça me plaisait pas, je lui enlevais. Et des fois, du coup, il recevait des messages de filles qui lui disaient mais pourquoi on n'est plus amis et tout. Mais je sais pas. Je suis tellement d'accord, Pauline. Mais non, mais ça, vous pouvez ça pas pue. Faire ça, ça se fait pas. Oui, Laure. Moi, je le fais plutôt en amont, c'est-à-dire je refuse des demandes d'amis. mais Laure, dans la vraie vie, hein. J'espère qu'il va lui parler de terrain. Non, on ne désire pas être amis avec toi. Merci. T'es gentil, tu vas poquer un petit peu ailleurs. Mais ce sera pas bon pour nous. On va pas créer quoi que ce soit. Stéphanie, ma chérie, tu fais quoi pendant que ton chéri regarde le foot? Coucou l'équipe. Eh ben moi, écoute, je fais du tri dans ses affaires. J'en profite pour vider un petit peu l'armoire. Ah, je vais vers lui, je lui dis écoute, ça t'en veux plus, c'est bon, je peux jeter. Et il est tellement occupé par le match qu'il me dit oui, c'est bon. Comme ça, je suis sûre que tu pourras pas me demander derrière. Non, faut pas en profiter pour jeter nos vieux survêtements, ça se fait pas ça. Ah, c'est quand même le meilleur moment. C'est pas possible, Clément. Non, mais on s'en rend jamais compte. Moi, j'ai une ex qui faisait ça, mais tu t'en rends pas compte. Tu sais qu'il a disparu, tu sais pas où et quand. Tu peux accuser personne. Et si on peut pas le faire pendant les matchs, on peut jamais le faire. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est le moment. Je vais vous dire une chose. Je sens là. Vous sentez pas comme moi? Non. Je sens qu'on va lancer un hashtag. Ah. Musique de lancement d'hashtag. Oui, on sent. On lance le hashtag. Pendant que vous regardez le foot, dites-nous les filles, les garçons aussi, hein, peut-être que vous aimez pas le foot et que votre chérie adore ça, dites-nous ce que vous faites pendant que les autres regardent le foot. Par exemple, il y a Max qui est très drôle qui me dit pendant que vous regardez le foot, ben moi je suis en boîte en train de draguer toutes les filles qui se retrouvent seules. Bonne technique. Max, je peux pas te l'enlever, bonne technique. 7h tout pile, les amis, merci d'être avec nous. Bisous Laurine, bisous Stéphanie. On va écouter le pop rock électro. Voilà ce que je vous ai préparé de Mom Aloha dans un instant, idéal pour bien démarrer votre journée. Courage si vous démarrez le taf d'ailleurs à 7h. Un point sur l'actu tout de suite, on revient le Virgin Tonic. C'est à vos côtés jusque 9h30 tous les matins. Soyez les bienvenus les amis sur Virgin. On a essayé de lui donner un territoire. On a essayé de lui donner un domaine dans lequel il fallait pas qu'il dépasse, mais c'était pas assez pour lui. Les épaules ne passaient plus. Il lui faut toute la France à Tristan Sarra. Et c'est les infos pour vous. On t'écoute, mon poteau. Salut Camille, bonjour à tous. Salut Tristan. D'abord, la météo avec de la pluie, des orages pour aujourd'hui toute la semaine. Ciel couvert et humide pour tout le monde, sauf dans le sud-ouest. Quelques éclaircies sur le Pays Basque. À peine 17 degrés cet après-midi à Paris, 19 à Bordeaux et 23 à Marseille. L'ambiance était au recueillement hier soir à Orlando, quelques heures après l'attentat qui a fait au moins 50 morts dans une boîte de nuit gay, 50 victimes auxquelles s'ajoutent 53 blessés. L'attaque a été commise par un homme ayant prêté allégeance à Daesh avant de passer à l'acte. Le massacre a été revendiqué ensuite par le groupe État islamique. Le tireur a été abattu. Il s'agissait d'un Américain d'origine afghane de 29 ans. Le FBI a ouvert une enquête pour terrorisme. Barack Obama a fait part de sa tristesse et ordonné de mettre tous les drapeaux en berne. Cette tuerie est le pire attentat terroriste commis depuis le 11 septembre 2001. Et dans ce contexte, une autre attaque visant la communauté homosexuelle a été évitée hier à Los Angeles. Un homme équipé d'un arsenal explosif et d'armes à feu a été arrêté à temps. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il avait prévu de causer des dégâts pendant la Gay Pride. En France, la poursuite des grèves. Le trafic des trains devrait légèrement s'améliorer ce lundi avec 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10. Dans l'aérien, 20% de vols annulés à Air France. Les opposants à la loi travail attendent beaucoup de manifestants demain pour la journée de mobilisation nationale prévue à Paris. L'association Médecins du Monde lance une nouvelle campagne, des affiches et une pétition en ligne pour obliger l'État à réguler le prix de certains traitements. Des anticancéreux, le vaccin contre la grippe ou encore des médicaments contre le diabète ou le cholestérol. La pétition est en ligne sur le site leprixdelavie.com. 10 personnes en garde à vue après les violences de ce week-end dans les rues de Marseille en marche de l'euro. Certains seront jugés dès aujourd'hui en comparution immédiate. Des scènes de guérilla urbaine sur le Vieux-Port avant Angleterre-Russie, puis des bagarres au Vélodrome à la fin du match. 35 blessés, dont plusieurs graves. L'UEFA a haussé le ton en annonçant que la Russie et l'Angleterre seront disqualifiés du tournoi en cas de nouvelles violences. Et le ministère de l'Intérieur a interdit la vente et la consommation d'alcool les veilles et jours de match ainsi que dans les fan zones, dans les périmètres sensibles. Et puis aujourd'hui, 3 matchs, l'Espagne face à la République tchèque à 15h, l'Irlande-Suède à 18h et Belgique-Italie à 21h à Lyon. Voilà pour l'actu, bon réveil. Les amis, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. C'est le 13 juin. Aujourd'hui, nouvelle semaine qui débarque pour le Virgin Tonic. On est très heureux d'être là. 6h, 9h30 chaque matin avec Laure. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Alors, voix malicieuse. Mais bien sûr. Clément Lacruz est là aussi. Bonjour. Bonjour. Voix angoissante. Bonjour Clément. Et Pauline du Standard est là aussi. Coucou. La voix bah, habituelle de Pauline du Standard. Le 3916, c'est votre numéro pour nous joindre tout au long de la matinée. Nous raconter tout ce que vous voulez. Cette émission, c'est la vôtre. C'est la sitcom de la vie. Mais oui. Et qui s'inscrit chaque jour en direct à vos côtés, évidemment. Dans un instant, alors arrive la question de ouf. On adore ce rendez-vous. Vous avez eu tout le week-end pour répondre à la question de Clément Lacruz. On a eu un beau mariage vendredi. Ouais. Retournez voir le podcast vidéo. Hein. Ouais, allez voir les images. C'était magnifique, vraiment. Ouais. On a passé un très beau moment grâce à Thomas et Caro. Du coup, la question, bah, elle est raccord. Quelle est la plus belle demande en mariage selon vous? La demande en mariage de rêve. On saura tout ça. Ça concerne Laure qui va se marier bientôt avec son juju d'amour. Mais avant tout ça, à 7h05, la news la plus importante du matin, bien sûr. La news la plus importante du matin. Faites le tour des radios, vous la trouverez que chez nous, celle-ci. Hein. Mmh. C'est une vraie étude. Hein. Mmh. Moi, je tiens à vous dire, vraiment, c'est très sérieux. Ouais. On va parler boulot. Ok. Ok. Peut-être que vous êtes dans les dernières révisions des examens, on a J-2 du bac, peut-être simplement même un boulot, voilà. Dans votre carrière, vous avez du mal à travailler en open space, derrière votre bureau. Oui. Eh bien, j'ai une astuce, puisque selon cette étude, on serait beaucoup plus productif, on bosserait beaucoup mieux, beaucoup plus créatif dans un café qu'au boulot. Bah ouais. Ça me surprend pas. Ouais. L'odeur du café nous aiderait à mieux nous concentrer. Et il y a aussi une différence dans la motivation, puisque les gens qui nous entourent dans un café et qui bossent aussi sont plus concentrés et motivés à bosser que ceux qui bossent dans un bureau. Donc on se tire tous vers le haut. Et en fait, vous allez dans un Starbucks ou peu importe, vous travaillez tous ensemble et tout le monde se tire vers le haut, Laure. Mais c'est pour ça que je pars tôt du bureau, c'est pour mieux travailler. Ah d'accord, tu vas dans un café bosser? Bah bien sûr. Mais bien sûr, ah c'est ça ton secret. C'est pour ça. C'est pour ça que je travaille mieux. C'est dingue, oui, ma petite Pauline. Ça fait 2 ans que Clément l'incruste nous le dit. Hein. Bah oui, ça, toutes les meilleures idées, on les a eues en terrasse. Non, c'est différent, c'est les terrasses. Oui, voilà. Mais on peut prendre un café en terrasse. Bah, évidemment. Nico du bureau. Mais comme quand tu révisais quand t'étais plus jeune, généralement, on te mettait dans ta chambre bloquée, tu révisais pas, tu faisais tout pour te déconcentrer. Alors que si on te mettait, genre, on te disait, vas-y, regarde la télé, fais ce que tu veux. Là, tu dis, ah bah, je prends un bouquin, je vais essayer de réviser un petit peu. Non, moi tu me disais, bah tiens, regarde l'euro, vas-y, sois tranquille, bah je regardais l'euro. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bah Nico, tu vois, comme quoi il faut que tu lâches un peu le bureau. Ouais. C'est vrai. Faut vraiment que tu y penser. Nico du Balto. Ouais. Ah. Et faut que quand on te demande un truc, faut que tu sois dans un café, oui, Pauline. Bah moi j'ai eu mon bac grâce au chai bar. C'était un bar où on buvait du chai. Oh. Du chai, c'est le chai. Ouais, c'est un truc indien, on y allait tout le temps, mes copains. Il y avait genre des poufs et tout. Et bien, c'est là où j'ai révisé mon bac, le au chai bar. Eh ben écoutez, le chai bar, donc on les embrasse très très fort. C'est un truc indien ? Ouais, c'était un truc indien. On se dit, les restaurants indiens, c'est l'endroit où il n'y a jamais personne à l'intérieur. Personne, pourtant c'est bon. Mais ah, c'est non, bon. Mais c'est bon, mais on aime bien même en manger à la maison. Mais rentrer dans ce truc, tout est décoré et tout machin. On a déjà vu une table de 4 dans un resto indien. Genre 4 gars assis qui font coucou, qui se voient, tout se passe bien pour nous. Mais j'ai jamais vu une personne dans un resto indien. Clément. Mais parce que tu peux pas parler, tu sais, tout le monde, c'est tellement faible le niveau de sonore des tables d'à côté que t'oses pas manger là en fait. Mais non, mais y a personne. Un resto indien, y a jamais personne. C'est tout ça. Oui, ouais, Nico du bateau. Parce que c'est. C'est parce qu'il y a un peu. C'est un peu frit. C'est de la cuisine un peu à la friture, donc du coup ça doit imprégner sur les vêtements, les gens osent pas rester peut-être. Non, je pense pas, je pense que t'aimes bien te faire prendre à emporter ou quoi dans les Indiens, oui. Ouais, c'est ma théorie, moi, je pense que c'est lourd, donc tu préfères le commander chez toi, comme ça après tu dors direct. Bonne théorie de l'an. Ouais. Pauline, une réaction là-dessus, attention là, je crains le pire. Mais alors elle a raison, c'est la nourriture indienne, c'est très lourd, même les boissons, on buvait des lassis au chai bar. Et au chai bar, ce qui marchait, c'est qu'en fait c'était des poufs. Donc tu restais allongé dans les poufs. Et en fait, dans les restos indiens, pour qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait des poufs. Allez, tout ça, quoi. Voilà. Pauline vient de relancer tous les restos indiens. Mettez des poufs. Donc c'est ça le truc. Mais mettez des poufs. Mettez des poufs. Comme en boîte. Mettez vous verrez votre boîte, elle sera pleine. C'est une vieille règle. C'est plus vieux comme le monde. Les amis, 7h08. On se fait la question de ouf. Ah oui. On a encore un peu le temps. On est à la bourre, mais on l'a fait quand même. C'est parti. La question de ouf. Ah oui, on peut pas relancer les restos indiens en France et faire la question de ouf à un moment donné. C'est normal qu'on se mette un peu en retard. La question donc, le mariage de vos rêves. Voilà, la meilleure demande. Pour sa demande en mariage, mon mari m'avait offert un saut en parachute. Et avant de sauter, il m'a dit, si tu me suis, je t'épouse, évidemment, en pensant que je sauterai pas. Et ben, faut assumer maintenant, chérie. Alors, nous jouions au Monopoly et mon mari avait fait une carte qui disait, ne passez pas par la case de prison. Épousez-le. C'était dans le parc, juste à côté de chez nous. Il m'a demandé ma main et j'ai dit oui. Et au moment où j'allais l'embrasser, un pigeon s'est soulagé sur lui. Pour ma demande, il avait écrit « Veux-tu m'épouser ?» avec des bougies au bord de la mer. Et quand il vient de me chercher, une vague avait éteint toutes les bougies. C'était à Disney devant le château de la Belle au Bois Dormant. J'avais l'impression d'être une princesse dans un conte de fées. En fait, c'était un peu le cas quand même. Moi, mon mari, pour me demander en mariage, il m'a tendu la feuille d'impôt avec un post-it dessus, avec écrit « Veux-tu m'épouser ?» Il avait marqué « PS, si tu veux faire des économies, dis oui !» Question de ouf. Merci les amis pour toutes vos réponses, 7h09. Mom, aloha, voilà ce qu'on écoute tout de suite, excellent réveil. I know. Virgin Radio, 7h12, merci de nous avoir choisi. C'est lundi. Et donc il vous faut beaucoup de courage, je le sais, on est là en tout cas, on s'occupe de tout pour vous. Entre 6h et 9h30 chaque matin, l'équipe est là bien sûr. Yeah. Alors l'équipe est en train de me vanner, mais je suis sûr que vous allez me soutenir au standard. Parce que j'aurais quand même expliqué que j'étais tellement flemmard ce week-end que j'étais devant un match de foot sur TF1. J'avais la flemme de changer de chaîne. Et donc je me suis retrouvé à regarder et 7 à 8 et le JT et le truc de TF1. Parce que par flemme. Mais c'était bien en plus, il y avait des trucs super. Mais quand on arrive là, tu choisis pas les programmes, c'est que tu regardes juste ce qui suit pour pas te lever du canapé et pas tendre la main, Clément. J'ai eu la flemme de descendre en bas de chez moi, rejoindre des amis pour regarder le match. Du coup, j'ai fait monter tout le monde chez moi. Ah ouais, c'est très flemmard. Très flemmard. Ah, c'est très flemmard. Alors que c'était à 100 mètres. Hein. Bah, Laure, en ce moment, t'es pas très flemmard, t'es en train de déménager. Ouais, d'ailleurs, je suis venue avec mon outil. Ah, il faut savoir, vraiment, Laure ce matin, et Dieu sait qu'on l'aime et qu'elle est belle, Laure ce matin c'est un tue-l'amour. Elle a une perceuse et elle a quand même un truc, vous savez, comme les déménageurs quand ils ont mal au dos, là, la ceinture abdominale. C'est-à-dire que ce matin, les amis, on a la déménageuse bretonne avec nous dans le studio, quoi. Oui, ça va, on a. C'est bon, merci. Moi j'ai eu la flemme. Alors bah, j'ai quand même monté énormément de meubles grâce à ma nouvelle petite perceuse. Bah, apparemment t'as eu la flemme de te changer ce matin. Non seulement eu la flemme de prendre une douche. Et c'est dur. Okay. Gratos. Non, et j'ai eu la flemme surtout de poser mes tringles parce que j'avais une échelle trop petite, donc il fallait faire un effort de dingue. Donc faut que j'aille acheter un escabeau. Ah, mais ça c'est Juju qui le fait quand même. Ah non. Ah non. Ah bah non. Et non, Juju ne fait pas tout ce qui est bricolage. Hein. C'est vraiment moi. Non mais c'est pas. Ah, mais genre tu poses toi les tringles. Mais moi je pose les tringles. Moi je sais tout faire. J'ai monté un lit, une commode et des tiroirs. Non mais monter, ça va, c'est un truc qu'on fait ensemble et tout, c'est pas trop dur. Mais commencer à percer les murs, mettre les tringles et tout, c'est pas simple ça. Ah non, je sais tout faire. Mais par contre, j'ai eu la flemme de mettre ces tringles, donc il va falloir que je m'en occupe. Ah oui. Et du coup, les voisins participent à notre vie. Pourquoi? Ah, bah parce qu'il n'y a pas de rideau. Parce qu'on est échangiste. Monsieur Ami, mais enfin, on n'en avait jamais parlé. Participe avec nous à l'ambiance, quoi. À l'ambiance, on rentre dans un nouvel appart. Fabrice, mon bichon, est-ce que t'as été très flemmard, toi aussi, ce week-end au 39-16? Salut, mon pote. Salut, mon Camille. Ah ouais, j'étais flemmard ce week-end, ouais. En fait, moi, j'ai eu la flemme de nettoyer les pinceaux et le seau que j'ai utilisé pour repeindre ma chambre. Ah ouais. Tout le monde bricole le week-end. Bah oui. Ah ouais. Et le pire, c'est que là, je me dis que plus le temps passe et plus j'ai la flemme parce que ça a dû sécher, ça va être une galère. Ah bah c'est fini, deux heures. C'est foutu. Ah bah ça tue les poils. Non, tu peux les récupérer. Ouais. Tu peux vraiment les faire baigner dans du white spirit et tout machin, mais le poil est rêche après. Attention. Le poil est rêche. Mais pas si c'est de la peinture à l'eau, hein, sinon ça tue tout. Hein. Mais oui. Bah, ça tue pas tout. Ah si c'est de la peinture à l'eau, faut tremper dans l'eau chaude, ça suffit. Ça suffit, mais tu mets au white spirit, ça tue pas ton pinceau. Ça l'abîme, je t'assure. Pas bien. Valérie D'Amido sort de ce corps. Appelez-moi tout de suite au standard le roi Merlin, s'il vous plaît. Je veux prouver que j'ai raison. M'appelez le roi Merlin. Ou le j'en sais rien, vous m'appelez le roi soleil. Vous m'appelez qui vous voulez, vous m'appelez en roi tout de suite sur l'antenne. Je vous le dis. Fabrice, merci mon poteau. Et reste avec nous, on va vraiment savoir si on peut mettre des pinceaux à l'eau dans du white spirit. C'est important pour moi. 7h15 les amis. 21 Pilots, voilà ce qui arrive dans un instant pour le pop rock électro. Puis surtout, un loyer à gagner là, dans deux secondes. À peine, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Je vous souhaite un excellent réveil à tous. Merci de nous avoir choisis. C'est le Virgin Tonic. Pour vos pneus, vous passez des heures à chercher les moins chers. Eh bien Fred, non. Non, moi je suis sûr d'avoir le moins cher. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Fred change ses pneus chez Noroto. Et être détendu avec son budget auto, c'est facile avec Noroto. Tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, on vous rembourse la différence. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Je sais pas chez vous, mais chez nous, personne ne regarde le même sport à la télé. Le grand, c'est le basket, la petite, le tennis, et mon mari, le foot. Le problème, c'est qu'à chaque sport, son abonnement. Pour vous, SFR se réinvente et réunit tous vos sports préférés dans un seul et même abonnement. Jusqu'au 10 juillet, la fibre power avec SFR sport inclus est à seulement 29,99€ par mois pendant un an, puis 39,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, engagement de 12 mois, location de la box plus 3€ par mois, détails sur sfr.fr. Cette semaine, scoop public, Karim Benzema, il s'éclate avec sa nouvelle conquête et ses potes Neymar et Justin Bieber. Ou encore Amber et Johnny Depp, les documents qui accusent. Et aussi IM, maman d'un petit garçon, retrouvez tous les détails de l'accouchement. Et en plus du magazine public, offrez-vous le kit d'éponge make-up Lollipops Paris pour seulement 3,95€ en plus du magazine. L'accessoire indispensable pour votre contouring. Juste quelqu'un de bien. Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés. Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid. Et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix. Parfait pour mon fils. Avec mon super opticien Atoll, même pas perdre un rayon du soleil. Même pour des solaires sans correction, confiez votre vue à un professionnel. Les verres polarisants suppriment la réverbération et améliorent les contrastes. Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez. Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Bon, prenons un élève de 3e et plongeons-le dans un nouveau collège. Sachant que la pression exercée dès septembre est proportionnelle à son examen de fin d'année, trouvez la bonne formule pour qu'il entame la rentrée sans trop stresser. Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour reprendre le rythme en douceur. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Mais tu lui racontes quoi là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Continental 16 pouces à 69€ seulement. Oh, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des bleus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/rdv. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Maillot offert pour 1€ de plus. Cuisine Xina. Écoutons Jeanne pendant le mois des économies d'énergie. Avec Xina, j'ai fait le plein d'énergie positive grâce à mon électroménager faible consommation offert à l'achat de ma cuisine. Xina. Le spécialiste cuisine nouvelle génération. Conditions en magasin et sur xina.fr. Dans moins de 2 minutes. Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et un ciel très couvert aujourd'hui sur tout le pays. Des averses à peu près partout et des orages, notamment sur le nord-est. De belles éclaircies tout de même sur les régions du sud-ouest. Vous aurez 15 degrés cet après-midi à Cherbourg, 17 à Lille, Beauvais, Colmar et Limoges, 18 attendus à Paris, Brest, Nancy, Tours et La Rochelle, 19 pour Rennes et pour Strasbourg, 20 à Bordeaux, Biarritz et Chambéry, 21 à Toulouse, 22 degrés à Lyon, 23 à Valence, 24 à Marseille, Ajaccio, Maxi, 25 pour Perpignan. Des orages et de la pluie sur tout le pays toute la semaine. Bon réveil. Famille, au 71 777, vous rêvez d'un 11 777. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'Opas. Virgin Radio présente les Natural Games, le rendez-vous ultime des sports outdoor. Du 30 juin au 3 juillet à Millau. Let's go. Cet événement unique rassemble les meilleurs grimpeurs, kayakistes, parapentistes et riders VTT du monde. Au programme, compétitions, jeux extrêmes en soirée. Et des concerts avec Caribbean Dandy, featuring Joey Star et Nati, Elisa do Brasil, Flavia Coelho, General Electric et LFE. Le spectacle est total et entièrement gratuit. Toutes les infos sur naturalgames.fr. Les Natural Games, du 30 juin au 3 juillet à Millau. Un événement Virgin Radio. Bieber au 88-484. Justin Bieber nous offre encore un de ses nombreux hits. Envoyez Bieber, B-I-E-B-E-R. Au 88-484, accédez au catalogue et téléchargez Love Yourself, le nouvel hymne de Justin Bieber en sonnerie. Bieber au 88-484. Abonnement 3€ par semaine, DGP. Virgin Radio. Virgin Radio et Electrochoc. Virgin Radio Electrochoc. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Soyez les bienvenus les amis sur Virgin Radio, 7h21. Oui, l'équipe est là et ouais, oui, ensemble, réunis pour vous payer votre loyer. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Un seul suffit. Plus vous en envoyez, bien sûr, plus vous augmentez vos chances d'être tiré au sort. Vous en envoyez 5, vous êtes inscrit 5 fois. Mais faites attention, ne vous ruinez pas, que ça ne vous coûte pas plus cher que votre loyer. En tout cas, on va essayer de vous filer un bon coup de main pour ce mois de juin. Dans 2 secondes à peine, avant quand même, on appelle un magasin de bricolage puisqu'on a un gros souci avec l'or. Voilà. On n'est pas d'accord. Si on a peint avec de la peinture à l'eau, l'or me dit on ne peut pas mettre dans du white spirit. Voilà. Faut laver à l'eau. Allô ? Oui, je t'écoute. Bonjour, c'est Bricoman ? Oui. Vous allez bien ? Très bien, merci. Quel est votre prénom ? Allô ? Allô ? Ne raccrochez pas, vous êtes en direct sur Virgin Radio. C'est quoi votre prénom ? Delphine. Delphine, comment tu vas la Delph ? Bien. Ça va super. Delphine, est-ce qu'on pourrait avoir le rayon peinture, s'il vous plaît? Ne quitte pas. Merci beaucoup. Dépêchez-vous, les consultés sont limités. Ils sont très sympas. Remise pour les pros, paiement différé, réduction sur la location du matériel. C'est un Ponto Combo, hein. Ça sonne Don Tom, mais c'est région parisienne, hein, Ponto Combo. Ils ouvrent tôt, Bricoman, hein. Bricoman, c'est des bosseurs, je vous le dis. Oui, Pauline. Moi, je suis du côté de l'or. Je suis d'accord avec elle. T'es bon, t'es de quel côté? Moi je suis de mon côté à moi, je pense qu'on peut la mettre dans l'huile. Comme la souris verte. Et on parie quoi? Hein? On parie quoi? On parie. Qu'est-ce qu'on parie? Vite, du café. Hop! Le jus d'ananas, il y en a qu'un, c'est moi qui l'ai. Moi, je parie pas. Eh ben tant pis. Il commence tôt, mais le rayon peinture un peu plus tard, hein, j'ai l'impression. Bon, vous savez quoi, en attendant, on va payer votre loyer, on attend que le rayon peinture nous réponde. On a des questions essentielles, mais alors là, je vois Twitter, les réseaux sociaux sont divisés. Les réseaux sociaux sont divisés sur cette question, on est obligé d'y répondre. Est-ce que quand on n'a pas un lot, on peut mettre le pinceau dans du white spirit? Allô, Louis? Oui, bonjour. Bonjour, Louis, merci de m'avoir envoyé un SMS, mon poteau. Tu t'es inscrit à un jeu et figure-toi que t'as été tiré au sort. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Eh ben, c'est Virgin Radio. Ça fait des mois que j'envoie les SMS. Ah. Eh ben, tu sais quoi, comme quoi il faut persévérer dans la vie. C'est comme avec les femmes. Mais bien ouais. sûr. Ouais, t'as bien raison. Eh ben, c'est vrai. Tu viens d'où, Loulou? Je suis à Bivert, à côté de entre Aix-en-Provence et Marseille. Eh d'accord, on connaît bien Bivert, bien sûr. Ouais. Alors, Joanne était notre gagnante de 6h20. Alors, ouais. Une jeune fille dans le Nord-Pas-de-Calais. Et alors ouais. Là, tout l'inverse. Un garçon dans les Bouches-du-Rhône. Louis, tu fais quoi dans la vie? Je suis pompier dans la ville de Vitrolles. Ah. Et c'est bien que de temps en temps il y a un garçon qui gagne, parce que c'est vrai que tu fais gagner beaucoup les filles. Hein. Alors c'est un tirage au sort, mais c'est, voilà, peut-être que les filles s'inscrivent plus. Peut-être qu'il y a beaucoup de filles qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui gagnent le loyer. Ça t'énerve? Non, c'est bien, c'est la parité, on va dire que c'est la parité. Ben, bien sûr que c'est la parité. Ouais. Tu peins un peu, Louis, ou pas? J'ai pas entendu. Tu sais peindre? Oui. Est-ce que quand on a peint avec de la peinture à l'eau, on peut laver le pinceau avec du white spirit? Mais non, il faut laver avec de l'eau. Ben oui, il faut, mais on peut laver avec du white spirit. Oui, on peut, mais c'est à l'eau. Eh ben, je suis d'accord, mais donc c'est moi qui ai raison. Non, mais non. Ben, c'est sûr que c'est si. C'est toi qui as raison. Ben oui. Louis, il est de combien ton loyer? 902,18 €. Eh ben, je te le paye et je t'offre un bidon de white spirit aux couleurs du Virgin Tonic. Eh ben, écoute, c'est super. Et surtout, restez comme vous êtes. Vous vous moquez des gens, mais vous les blessez pas. Mais jamais on se moque. Oui, mais c'est sympa, vous moquez. Mais surtout, vous les blessez pas. Ah ben, jamais. On rit avec, on ne rit jamais d'eux, sauf de l'or. C'est un régal tous les matins. Je te remercie, Louis. Hey, Loulou, t'as un amour, merci à toi et bravo, hein. Donc plus de 900 €, c'est ça, hein, le loyer. 918. Ouais. Eh ben très bien, ben, c'est gagné pour toi, deuxième gagnant de la matinée. Bricoman a enfin répondu. Allô, Bricoman? Allô. Oui, bonjour, c'est le rayon peinture de Bricoman? Oui, c'est ça. Allô. Très bien, bonjour, vous êtes en direct sur Virgin Radio? Oui. C'est quoi votre prénom? Jordan, conseiller peinture. Jordan, conseiller peinture, on a une grande question là sur Virgin. Ouais. On a besoin de ta réponse. D'accord, ça marche, y a pas de souci. On vient de peindre un mur à la peinture à l'eau. Oui. D'accord. Qu'on soit clair, évidemment que le mieux c'est de nettoyer son pinceau avec de l'eau. Ouais, on est d'accord? Ça, ouais. Alors c'est Fabrice qui a fait ça. C'est ça, Fabrice, hein? Exactement, ouais. Alors, t'as lavé ton pinceau avec de l'eau, mais on est d'accord que si on a mis longtemps à ne pas le laver, on peut aussi le laver avec du white spirit, t'es d'accord? Non, pas du tout. Et voilà. Mais comment ça, pas du tout? Parce qu'en fait, le white fusil, c'est juste un diluant peinture et un nettoyant peinture fraîche. Et ça fixe. Donc non, même pas, ça nettoie que ça. C'est un diluant peinture de base. Donc si Fabrice là il a paumé, il a eu la flemme de nettoyer ses pinceaux, là il faut surtout pas qu'il mette du white spirit. Non, même pas, parce que ça va lui servir à rien. En fait, ce qu'il lui faudrait, c'est un solvant peinture. C'est un nettoyant surpuissant pour tout ce qui va être matériel usagé. D'accord. T'en as chez Bricoman? Ouais, j'en ai. On a combien là? On est sur du combien là? On est sur du 1 litre. 1 litre et ça combien en prix? 4,05€. 4,05€, ça passe. Mais tu sais quoi, il est pour moi, on va passer, t'en prendre un et on l'enverra à Fabrice, d'accord? C'est cool, ça marche, y'a pas de soucis. Salut Jordan, merci. On est la seule émission radio qui règle les problèmes de pinceaux. C'est clair. On dirait, vous avez un problème, vous cherchez du papier de verre, on appellera les gens en conséquence. Vous avez besoin de rideaux, on appellera la halle au rideau. Comptez sur nous. Fabrice, t'es rassuré pour tes pinceaux? Ouais, merci beaucoup, heureusement que t'étais là. Bah écoute, ça me fait plaisir. Moi j'ai rien compris, mais en tout cas je crois que j'ai perdu. C'est ça Laure? Oui, je pars à mon jus s'il te plaît. T'aimes pas ça? Mais je m'en fous, je le prends quand même, non, j'ai gagné. Non. Fabrice, je t'embrasse très fort, merci d'être avec nous, merci à vous tous. 7h27, on est en direct, de toute façon vous le voyez bien, si on n'appellerait pas Bricoman en direct. 21 Pilots sur Virgin, excellent réveil. Hey, this is 21 Pilots on Virgin Tonic. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. A certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing. Singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Excellent réveil sur Virgin Radio, 7h30 tout pile. J'espère que ça va très très bien pour vous. On est heureux en tout cas d'être à vos côtés du lundi au vendredi, 6h-9h30. Dans un instant, je vous envoie avec trois de vos potes où vous voulez en Europe. On en reparle dans deux secondes, le temps de faire un point sur l'actu. 6h-9h30 Virgin Vanille. Salut, c'est Camille Combal. Mardi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et moi, comme j'aime donner, non seulement je vais donner mon sang, mais en plus, je vais vous donner les chiffres à retenir. 1 million, parce que les dons de sang sauvent 1 million de malades chaque année. 10 000, parce que 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour. Et puis 300, parce que plus de 300 lieux de collecte sont organisés dans toute la France. Un don de sang, c'est simple et c'est utile. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang, jedonnemonsang.net. Bon réveil à vous tous, un point complet sur l'actu partout en France est avec Tristan Sarah, bien sûr. Salut mon Tristan. Salut Camille, bonjour à tous. Il ne va pas faire très beau aujourd'hui à Paris comme en province, à peine quelques éclaircies sur le sud-ouest, de la pluie partout ailleurs, avec des orages attendus de l'Auvergne jusqu'à la Franche-Comté, un mercure à 20 degrés en moyenne cet après-midi et de la pluie toute la semaine. Les États-Unis sous le choc après un massacre à Orlando. La ville de Floride a été la cible d'un tireur de masse. Un homme qui a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay faisant 50 morts et 53 blessés. Le tireur avait prêté allégeance à Daesh juste avant de passer à l'acte et le groupe islamiste a revendiqué l'attaque. Le FBI a d'ailleurs ouvert une enquête pour terrorisme. C'est la fusillade la plus meurtrière qu'ait connue le pays. Barack Obama a condamné, je cite, un acte de terreur et de haine. Et la communauté homosexuelle a échappé de peu à une autre attaque sur la côte ouest cette fois. Un individu lourdement armé a été interpellé en marge de la Gay Pride qui se tenait ce week-end à Los Angeles, en Californie. Il voulait, dit-il, y causer des dégâts. La loi travail débarque aujourd'hui au Sénat. Une nouvelle bataille politique entre la majorité de droite et le gouvernement de gauche sur fond de contestation sociale. La grève se poursuit aujourd'hui encore à la SNCF avec 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10 seulement. Et dans l'aérien avec 20% de vols annulés chez Air France. Grève aussi dans le ramassage des ordures dans certaines villes dont Paris avant la grande manif nationale prévue demain dans la capitale. Le suivi des délinquants sexuels au cœur d'un procès dans le Gard. Un homme va être jugé à partir d'aujourd'hui pour l'enlèvement, la séquestration et le viol d'une adolescente de 15 ans. C'était en 2012. La jeune fille avait été kidnappée devant son domicile puis enfermée dans le coffre de la voiture de son ravisseur au cours d'un périple en France, en Italie et en Allemagne. Le prévenu était un récidiviste. Le verdict est attendu mercredi. La Russie et l'Angleterre seront disqualifiées de l'Euro 2016 en cas de nouvelle violence. Réaction de l'UEFA après les rixes entre hooligans ce week-end à Marseille, en ville et au Vélodrome. Des violences qui ont fait 35 blessés dont plusieurs graves. 10 suspects sont en garde à vue. Plusieurs seront jugés dès aujourd'hui en comparution immédiate. La suite de l'Euro de football, 3 rencontres au menu du jour. Espagne-République tchèque à 15h, Air-Suède à 18h et Belgique-Italie à 21h. Hier, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0. La Pologne s'est imposée 1-0 sur l'Irlande du Nord et la Croatie a battu la Turquie 1-0. La France, elle, jouera mercredi contre l'Albanie. L'inquiétude Griezmann à la une de l'équipe ce matin. Le leader annoncé de l'attaque des Bleus a été très timide vendredi contre les Roumains. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil. Lundi, le 13 juin, aujourd'hui, vous êtes en direct avec nous sur Virgin Radio. Un grand merci de nous avoir choisi. L'équipe est là, bien sûr. Ouais. Nouvelle semaine qui démarre. J'espère que tout va bien se passer pour vous. En tous les cas, vous qui êtes peut-être déjà au travail, d'autres sont encore sur la route, en train de partir au collège, au lycée. Vraiment, vraiment, on s'occupe de tout. Nous, entre 6h et 9h30, on va prendre soin de vous. Déjà en vous offrant un séjour où vous voulez, en Europe, les amis. 39-16 pour nous joindre. Inscrivez-vous maintenant. On va en couple. Parce qu'on va faire le jeu des amours. Vous êtes en couple, on va poser des questions à l'un ou l'autre et vous devrez deviner toutes les réponses qu'il nous a données. Et c'est un séjour pour 4 personnes qui est à gagner dans quelques minutes à peine. Mais pour le moment, 7h34, juste avant d'écouter Imani, Don't Be So Shy pour le pop rock électro. Il est temps de retrouver le réponse à toutes, Clément Lincruste. Tonic. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Clément, le week-end, il est comme moi, il rentre pas en boîte. Donc du coup, on se lève tôt et puis on va interroger les enfants, bien sûr. Et je leur ai demandé ce qu'était, selon eux, un lumbago. C'est quoi un lumbago? Aucune idée. Ah, moi je sais. C'est un zizi tout dur. Un lumbago? Oui. Un lumbago, c'est un bagage. Je sais. Un bagage pour aller où? Bah pour aller dans un wagon. C'est quand on a mal au dos? C'est un lingot d'or? Peut-être. C'est quoi un lumbago? C'est quand on danse. C'est une danse, la lumbago? Oui. C'est quelque chose qui nous fait pousser les cheveux. Une bague en forme de haut. Parce que t'entends lumbago? Oui. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est dans les campings. C'est quoi? C'est dans les campings. Et c'est quoi? C'est des mobilhommes. Dans les campings? Oui. Le réponse à tout. C'est génial. Lumbago, bah, c'est on dirait un plat italien. Mais oui. Entre de lasagne, un lumbago. À picorer, en entrée, on picore tous, quoi. Oui, Laure. Moi, j'aurais dit une marque de café plutôt. Ah café, ouais. C'est lumbago. Lumbago. Ah non, une bouteille de vin sicilien, quoi. On va prendre une bouteille de lumbago. Lumbago, vous êtes sûr? J'ai diminué. Non, on peut faire lumbago. On dirait surtout une ville du sud. Ouais. Une voiture. Ah, une voiture. Une voiture de sport, une voiture, de joueur carrément. De foot. Ah non, non, une Renault, la Renault Lembago. Je vous l'avais, tiens, Lembago. Non, mais en ville du Sud, c'est énorme. Bah, on a fait Lembago, ensuite on est parti sur Carpentras. On a passé deux jours à Scoliose. On s'est régalé. Un beau week-end. Ah, ouais, vraiment. Ah, vraiment, on s'est régalé. Imani, Don't Be So Shy, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite un excellent réveil à 7h36. Tonique. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yes, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Musique, musique, musique entraînante. Musique, musique, musique entraînante. Musique de dis, musique de discothèque. Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio. Allez. Don't be so shy. Ouais, tu danses, ouais, tu danses. Musique de dingue. Oh là là, les amis, soyez les bienvenus. On est très heureux d'être avec vous dans un instant. Un morceau que j'adore, je suis comme un dingue. J'espère que vous aussi. Kyo, le Graal. Il me rend fou ce morceau. Musique de discothèque. Ça arrive dans un instant. Pour le moment, attention, c'est le jeu des amours, les amis. Jingle, ah oui. Vous allez peut-être repartir avec un très beau séjour en Europe. C'est le jingle des amours du coup qu'il fallait. Voilà, merci. Faut pas en vouloir un hein. Robin, notre réalisateur, est payé au jingle. Oui. Donc c'est pour ça que je m'en prends autant dans la gueule tous les matins. Bien sûr. Tiens, alors il nous fallait un couple, hein. Vous le savez, on aime bien faire ce jeu, c'est la finale des amours. Quelqu'un nous appelle. Là, le temps d'écouter Imani il y a un instant, on lui a posé plein de questions. On l'a gardé au téléphone pour être sûr qu'elle n'ait pas le temps de se briefer avec son chéri. Et donc, on va vérifier s'ils se connaissent vraiment, puisque je vais leur poser plein de questions. Et il va falloir qu'ils aient au moins 7 bonnes réponses en une minute. On va voir si Jérémy connaît bien sa chérie Déborah. Salut tous les deux. Salut. Salut, vous venez d'où les copains? De Chartres. De Chartres, vous êtes en couple depuis combien de temps? Vas-y, réponds. Question piège. Ok Camille, tu vises le divorce aussi ou pas? Non, c'est pas mon but. Non. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et 3 ans qu'on est mariés. Oh. C'est ça. Oh, c'est beau, il a pas chômé. Déborah, ma chérie, donc on t'a posé plein de questions au téléphone. Oui. D'accord. T'as pas eu le temps de te briefer avec ton mec, évidemment. On t'a gardé jusqu'à la dernière seconde. Déborah? Oui. Tu restes avec nous et tu diras à Jérémy s'il a la bonne réponse ou pas. Est-ce que vous êtes prêt pendant une minute? Ok. Oui. Jérémy, t'es prêt? Bah écoute, alors déjà je t'aime et en fait tout ce qui va se passer c'est à l'insu de mon plein gré, même si. Bien sûr. Non, il parlait à Camille. D'accord. Je rappelle que vous pouvez partir quand même avec un séjour où vous voulez en Europe pour 4 personnes. Vous avez des enfants déjà? Oui, 2 petites filles. Eh ben magnifique, ça fait 2 plus 2, ça fait 4 chez moi. Impeccable. C'est magnifique, ça vous fera un très beau séjour. Attention, top chrono. Jérémy, quelle est la série préférée de Déborah? Desperate. Desperate Housewife. Déborah, tu confirmes? Tout à fait. Tout à fait. Son instrument de musique préféré? La guitare. Déborah, c'est quoi? C'est pas ça. Le piano. Tu nous as répondu quoi? Oh, l'harmonica de Christophe. Voilà. Elle est en train de manger là. L'harmonica de Christophe Maé. L'harmonica. Il est là, le bonheur. Il est où le bonheur? Okay. Ça fait qu'une bonne réponse pour le moment. On y retourne. Top. Quel est son héros de BD préféré? Titeuf, on accepte. Bonne réponse. Quelles sont ses fleurs préférées? Oh, j'en ai acheté il y a pas longtemps, la pivoine. La pivoine. Le sport dans lequel elle est la plus forte? Elle a osé. Le sport en chambre. Et ben c'est ce qu'elle a répondu. Elle a osé. Elle a osé. C'est ce qu'elle a répondu. Bah, on vise le championnat du monde. Arrête. Oui, Laure. Mais ça veut dire qu'ils se connaissent vraiment, vraiment bien. Mais j'ai aimé quand même le Déborah après le arrête. Ouais. On rigole bien, on est à la radio, mais. Non, mais c'est entendu ce arrête qui veut dire tu te calmes. C'est dans mon sourire, mais le coup. Arrête. C'est magnifique. Attention, on reprend. Top. Le nom de la rue où elle habitait à votre première rencontre? Oh, bah, c'est l'adresse d'aujourd'hui. C'est la rue de la Grande Fosse. Ouais. Encore une bonne réponse. Impeccable. Attention. Ouais, le nombre de sucres qu'elle met dans son café? 2. Non. Mauvaise réponse. Bah, Juju, on ne fera jamais là-dessus, tu vois. C'est non. Un seul. C'est un, ouais. Ton mec Jujus, on prépare jamais. C'est parce qu'il prépare pas assez le petit déjeuner, ça. On a combien de bonnes réponses pour le moment? On a 4 bonnes réponses. 4 bonnes réponses, tout va se jouer sur cette dernière. Le temps est écoulé, je vous en donne une dernière. Attention, Débo. Pardon, Jérémy, si tu trouves la réponse que nous a donnée Débo, c'est couché. Attention, c'est couché. Oui. C'est bon, là. Le sport l'a marqué. Hein. Tout se joue là, attention. Ouais. Déborah, on lui a posé la question en antenne, Jérémy. Sur quelle star fantasme ta femme? Oh là là là là! Footballeur du Portugal, Ronaldo! C'est ce qu'elle a répondu. Bonne réponse, c'est gagné! Oh bravo, bravo, bravo les bichons, vous partez avec un séjour d'une semaine pour 4 personnes grâce à Brittany Ferries de la gamme Saphir pour découvrir l'Europe. Donc bah, je vais pas vous tout dire, mais vous pouvez aller à Londres, vous pouvez aller en Écosse, en Irlande, le Portugal si vous voir Cristiano Ronaldo. Et selon l'endroit que vous choisissez, ce sera en croisière, sinon ce sera voilà dans les terres évidemment. Vous partez avec vos 2 petites filles, c'est magnifique. Jérémy, Déborah, je vous embrasse très fort. Merci gros beaucoup. Bisous, merci pour tout. Vous êtes vraiment extraordinaire. Et vous êtes des amours. Merci d'être avec nous tous les matins, les copains. 7h44. On s'écoute Kyo? Ouais. La chaleur de ma jeunesse éternelle. Je rechutais hier. C'est parti, on écoute. Salut, c'est Kyo dans Virgin Tonic. Par la beauté du spectacle, je marche sur les presses sans le vouloir, sans anesthésie, se recoudre l'arcade, mal au sang sur le carrelage. Comme une niche, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. cinquième as. La manche se cache un cinquième as. Tout se mélange ici, les hommes et les femmes. La corde et les corps, les glaçons dans les flammes. Comme une vie, j'ai cherché le mal, la jeunesse éternelle. Le botox dans les fesses. J'avais de fumée, de branche, un dimanche chaque semaine. J'ai rechuté hier. Quand on voit la terre de l'espace, on oublie ses problèmes. J'ai les pieds sur terre. Je vois les anges depuis que Satan me tape sur les nerfs. J'y crois, dur comme fer. Comme il dit, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Le botox dans les fêtes. J'arrête de fumer, de boire, j'ai dimanche chaque semaine. J'ai rechuté hier. Quand on voit la terre de l'espace, on oublie ses problèmes. J'ai les pieds sur terre. Je vois les anges depuis que Satan me tape sur les nerfs. Bon réveil à vous tous les amis, 7h47, soyez les bienvenus. Le Virgin Tonic en direct avec vous bien sûr de 6h et jusqu'à 9h30 chaque matin. Bon lundi, bon début de semaine à vous. Tiens, vous le savez, on est en plein euro hein. Plein euro. Alors nous, il y a vraiment, s'il y a bien une radio qui sera pas la radio officielle de l'euro, c'est nous. Oui. Puisque chez nous, c'est l'or qui a le pouvoir. Soutenu par son adjudant-chef Pauline. Donc quand on parle de foot, on se fait taper sur les doigts. Mais juste une info, mais qui va vous concerner les filles. Ouais. Grâce à Kia. Hein. Vous savez que Kia est partenaire de l'euro. Ouais. Et tous les jours, ils nous filent une petite info comme ça, bizarre mais vraie, je peux vous dire. C'est un chiffre incroyable. 4% des Français l'ont demandé après une défaite de leur équipe. Mais je vous promets que c'est un vrai sondage. Le divorce. J'allais dire 4% des Français ont déjà demandé le divorce, genre parce qu'il y a eu une engueulade derrière, ils étaient tellement déçus que leur équipe ait perdu. Clément. Non mais c'est pas parce qu'ils ont perdu, c'est que c'est le moment où ils l'ont fait. Je pense pas que ça joue vraiment. Je sais pas. Je pense qu'il y avait des. Enfin, il y a des facteurs avant, quoi. Et après, peut-être dans les 4%, c'est peut-être justement les joueurs de l'équipe de France. Ouais. Ah, ben oui, c'est ça. C'est peut-être leur femme qui demande le divorce. Non, non, non, quart de finale, j'ai un peu trop. Ouais. Non, je vais sortir avec Schweizer. Ouais. Des Allemands. Oui, ma petite Pauline. Mais il y a eu un baby boom en 98, donc ça se tient quand ça se passe mal. En ah, fait, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que les Français ont fait énormément l'amour après France 98. Ah bah oui. Et ben voilà, et ben comme quoi, faites attention, supportez les bleus les filles, parce que ça pourrait vous amener au divorce, Clément. Bah j'espère qu'on va gagner cette année alors. C'est clair. On va espérer. On fera tous l'amour. Vous savez qui a divorcé après 98? Non. Footix. Bah oui. La mascotte. Pété les plombs. Il a pété les plombs complets. Genre, il s'était mis avec Bob l'éponge. Il a été ingérable. Les amis, dans un moment, j'ai un jeu génial. J'ai appris comment créer le nom de votre groupe. Ah oui. Vous monteriez un groupe de musique demain. Vous allez voir, c'est très simple. Appelez-nous 3916. On va jouer avec ça tous ensemble. Peut-on écouter The Avenger We Go Home dans 2 secondes. Excellent réveil à tous. 8h-10. Hello les filles, c'est Sananas. Vous en avez marre d'attendre le soleil? Je vous le dis souvent, mais la poudre bronzante, c'est LA solution pour avoir bonne mine. Du coup, chez Sephora, avoir un teint bronzé sans soleil, c'est super facile. Au Make-up Bar, de super pros sont à votre dispo pour tout vous expliquer. Résultat? Un teint californien et les conseils qui vont avec. Moi, je valide. Et en plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Et Velva, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Moi j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Comme pas mal de jeunes diplômés, Romain a longtemps cherché un premier poste. Il a cherché parmi toutes les entreprises qui pouvaient l'intéresser. Il a cherché comment avoir le meilleur CV. Puis il a cherché sur Le Bon Coin. Et grâce à ça, aujourd'hui il cherche encore, mais pour un grand laboratoire. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Géant. C'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. La troisième pizza restaurante 4 fromages Dr Oetker est gratuite. Soit les 3 pizzas Dr Oetker à 4,23€ au lieu de 6,36€. Géant pour vos soirées foot. Non, et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam, oui. À 14,99€ par mois. 14,99€ ? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé ? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Anywhere you go, One Republic. Hi, this is Ryan from One Republic. Vous allez l'entendre partout. Mais la première radio qui vous l'a joué, hey. C'est Virgin Radio. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new. Looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. You feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Whatever I know, there's a shadow of you. I know I can try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for you. You think it's a lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, I'll be looking for you. Bon réveil à vous tous, belle matinée, bientôt 8h05. Je sais qu'il y a plein de gens, ben non, il est 8h05 et bientôt 8h avec un point sur l'actu bien sûr. Puis 8h05, la question de ouf qui est en fin de retour. C'est vous qui nous faites marrer, hein. Chaque matin, on vous pose juste une question, on écoute toutes vos réponses. Merci de jouer le jeu chaque jour. Et je le disais, hein, pour beaucoup, je sais que voilà, c'est le moment de prendre les transports, d'aller en course, d'être à 2 pas là du collège, du lycée. Bon coup, beaucoup de courage à vous, surtout que là c'est à moins de du bac. D'ailleurs je dis une bêtise, puisque là on va plus au collège, on révise. Au lycée, ouais, pour le bac. Ouais. Ah ouais, c'est dur, les amis. Voilà, on pense très très fort à vous et très fort aux parents qui stressent forcément encore plus que les enfants. Nico du bureau. Et là, le mieux, c'est quand t'es en seconde, parce qu'en seconde, du coup, les cours sont arrêtés parce que les autres passaient d'examen et toi, t'es là tranquille. Là, c'est vrai que là, profitez, les amis. Oui, Laure. Moi, ma fille est dans un lycée-collège, donc tous les jours, elle me négocie de pas aller à l'école parce que ça sert plus à rien. Il faut y aller, mais c'est vrai qu'on l'a fait tous. C'est vrai que c'est le moment où ça sert quand même plus trop. Après, c'est mieux de savoir qu'elle est en cours que n'importe où, mais voilà, c'est ça sert plus trop à grand chose. Oui, Ginger, sur les réseaux. Si le conseil de classe est passé, effectivement, il n'y a plus de raison qu'elle y aille, quoi. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé, le conseil. Eh ouais, ma grande. Alors, Lily, on te surveille. Oh, d'ailleurs, on lira son bulletin de notes dans le Virgin Tonic. Avec plaisir. Ah, la peau. Je suis tellement fière. Tu l'as fait venir un matin. Non, mais attends, c'est une excellente élève, Lily. Donc, c'est que du bonus. Mais on lira toutes les appréciations de Lily en direct dans le Virgin Tonic. Lily, prépare-toi, tu seras avec nous. Oh là là. Et on verra si la fille de l'équipe, hein, puisque Lily c'est un peu la fille du Virgin Tonic, si la fille de l'équipe a eu de bons résultats. Oui, Nico du bureau. Ce qui serait drôle, c'est de comparer avec les bulletins de sa mère. Non. Bah, disons que c'est du papyrus. Il faut. On plaisante. Oh, mais non. On a le même âge, Laure. C'était une autre époque. Nous, il y avait des bacs D. Et des nets qui n'existent plus. Bah, bien sûr, Clément. T'avais pas dit que t'avais un jeu génial? J'ai un jeu génial. Bah oui, je discute, j'oublie les jeux. J'ai trouvé, grâce à Deezer, hein, j'y suis pour rien, un truc fantastique. Deezer ont trouvé le moyen de créer le nom de votre groupe. Okay. Demain, vous auriez un groupe de musique pour qu'il y ait un nom qui tue. Et on va voir si ça marche bien, hein, les amis. Ouais. Il suffit, c'est très simple. Vous regardez le haut que vous avez mis aujourd'hui. Vous qui êtes peut-être déjà au travail, vous qui êtes déjà en voiture, en tout cas nombreux, je le sais. Vous regardez la couleur de votre haut. Okay. D'accord. Vous le donnez en anglais. Okay. Et juste après, vous rajoutez le dernier plat que vous avez mangé. Okay, d'accord. Clément, tu veux te lancer? Ok, donc bleu marine, ça fait dark blue. Dark blue. Et j'ai mangé du flan, le dernier truc que j'ai mangé hier soir. Donc je suis les dark blue flan. Et on se rend en concert le 14 à Angoulême, les dark blue flan. Dark bouflant. Dark quoi? Dark blue. Dark blue. Il est dur à dire. Hein. Ouais, ouais. Bah, ouais, les blue flans. Les Blue Flans. Les Blue Flans. Les Blue Flans, ça marche bien. Les Blue Flans. Ce serait le nom de ton groupe. Ouais, Blue Flans, ça fait un peu métal. On est les Blue Flans. Les Blue Flans. Pas mal. Laure, ce serait quoi, toi? Les Black Tortillas. Espagnol. Ils font du catch. C'est un groupe de métal mexicain, quoi. Ouais. Ok, hola, ¿qué tal? Ok, c'est parti, les Black Tortillas. C'est pas mal. Pas mal. Moi, ce serait les Grey Penne à l'Arabiata. Ah ouais, c'est vrai. Les Grey Penne. Les Grey Penne. Ouais. Ah, c'est pas mal. Quoi? Ouais, c'est les pas Grey Penne. Bah, il y a Sean Penne déjà. Oui, c'est vrai. Les Grey Penne, ça sonne. Oui, Laure. Les quelles couleurs Grey? Grey Penne. Les Grey Penne, ouais, Grey Pants, ça peut marcher. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Ça sonne. Ouais. Pour le moment, c'est quand même Clément qui a le nom qui. Non, c'est toi, Laure. Ah, merci. Ouais, les Grey Tortillas. Oui, le Nico du bureau. On est Grey tous les deux, mais moi, je préfère les Grey Omelette. Ah, Grey Omelette, c'est pas mal. En fait, je crois que ça marche bien avec des noms anglais quand même. Hein. Ouais. Parce que omelette, Grey Omelette, ça fait pas génial. Oui, ouais. Mapoline au standard. Ouais, c'est les Blue Artichauts. Ça fait un peu groupe anglais de rock. Hein. Non, ça fait groupe galère. Ça fait groupe bio. Les Blue Artichauts. Qu'on fait les instruments, ils ont taillé dans des légumes pour faire les instruments, tu sais. Tu vois, tu perces complètement la carotte et regarde, ça te fait un sifflet. C'est magnifique. Tu sais, c'est les gars à relou. Mais remercie Naturalia dessus, surtout. La tournée, on ça va être pas mal. On va demander, tiens, au 39-16, c'est très simple à faire. Hein. Le haut que vous portez ce matin et le dernier plat que vous avez mangé, ça donne le nom de votre groupe. C'est Deezer qui a trouvé ça. Louise, qu'est-ce que donnerait le nom de ton groupe? Bonjour, ma belle. Salut tout le monde. Salut. Eh ben, moi, alors ça serait Black Tartatin. Donc, ça serait genre un groupe de métal, mais super gentil. Les Black quoi? Tartatin. Les Black Tartatin, c'est pas mal, les Black Tartatin. Super. Les Black Tata, ça sonne bien. Moi, j'achète mes places. Franchement, les Black Tata, on va les voir ou pas? Ouais, on va les voir. Bah, attendez, on va les voir tout de suite, quoi. Ouais, jeudi. Bah, jeudi, ouais. Non, mais il y a pas vraiment de date. Moi, je suis libre jeudi. Oui, Nico du bureau. Les Black Tata featuring Renault. Oh, mais ouais, c'est pas mal. Mais ça marche de fou. Vincent, ce serait quoi, toi? Salut, Vincent. Salut, Camille, salut tout le monde. Salut, mon pote, ça donnerait quoi ton nom de groupe? Alors, moi, ça serait les Green Andy Vaujambou. Ah, les Greens Endives. Les Greens Endives, ça marche. Ouais. Greens Endives, tu sais, c'est genre un groupe très connu et il y a le leader qui a monté un autre groupe avec un pote. Parce que ça a splitté, quoi. Oui, Pauline au standard. Mais non, c'est les Green Ramones, comme les Ramones. Ouais, Green Ramones, ça marche. Ouais, mais attention, qu'ils viennent pas sur le plat-bande des Black Tortillas. Parce que là, on va pas être copains, quoi. Embrouille. Ah ouais, là, il y a embrouille. Hélène, ça serait quoi, toi? Alors, moi, ça serait les Blue Ratatouille. Oh, les Blue Ratatouille. Oh, ouais, j'adore. C'est un groupe marseillais, mais qui fait carrière à l'étranger. C'est bien ça, Clément. Si tu m'avais demandé hier, je serais les Blue Cordon Blue. Dans le sigil. Ça aurait bien marché. Il y a Lucas qui répond sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est mon meilleur. Les White Couscous. Ça, c'est bien. Préféré. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je veux ce groupe. C'est classe. Les White Couscous, les amis. Ah ouais. Magique. Non, mais c'est magnifique. Et reste avec nous d'ailleurs à 9h. Il y a un groupe qui sera là avec nous. Le Lollywood. Ouais. Lollywood. Lollywood, les amis. Ils vont chanter une chanson pour les femmes sur l'Euro. Okay. Ils ont sorti ça. Ils font un carton sur internet. Ce sera leur premier live à la radio. Ce sera dans une heure exactement sur Virgin Radio. Restez avec nous. Dans un instant, les Black Tortillas pour le pop rock électro, bien sûr. Et The Avenor quand même. Hein. We Go Home. Merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic chaque matin à vos côtés. 6h-9h, 31 points sur l'actu, on revient. Pop rock électro. Et les infos partout en France, c'est avec Tristan Sarah qui commence avec la météo et puis après beaucoup de mauvaises nouvelles hein, bien sûr dans l'actu, on t'écoute mon pote. Oui Camille, bonjour à tous, ça ne va pas être terrible hein, côté météo encore cette semaine, un ciel très couvert tous ces prochains jours, de la pluie, des orages attendus dès aujourd'hui sur la plupart des régions, des éclaircies tout de même sur le sud, 17 degrés cet après-midi à Paris, 19 à Bordeaux et 23 à Marseille. Le choc aux États-Unis où un homme a ouvert le feu dans la nuit de samedi à dimanche dans une boîte de nuit gay d'Orlando en Floride. Le bilan est très lourd, 50 morts et 53 blessés. Le tireur a prêté allégeance à Daesh avant de passer à l'acte via un appel aux services d'urgence. Le groupe islamiste a ensuite lui-même revendiqué l'attentat. Cette fusillade est la plus meurtrière qu'ait connue les États-Unis depuis le 11 septembre 2001. Barack Obama a fait mettre tous les drapeaux en berne. L'Empire State Building a gardé ses lumières éteintes hier soir à New York. De l'autre côté du pays, en Californie, la police a interpellé hier un autre individu qui voulait s'en prendre lui aussi à la communauté gay. Un homme arrêté en possession d'un arsenal explosif et d'armes à feu. Il a déclaré qu'il avait prévu, je cite, de causer des dégâts pendant la Gay Pride. En France, a préparé hier des rassemblements de soutien aux victimes d'Orlando sont prévus ce soir à Metz, Lille, Nice et Montpellier. Vous avez toutes les infos sur gaypride.fr. Los Angeles qui accueille aussi depuis hier l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Toutes les nouveautés en termes de jeux mais aussi d'accessoires connectés et peut-être même de nouvelles machines, notamment une petite Xbox One. Tout le programme de l'E3 sur le net, je vous ai mis le lien sur le Twitter de la rédac Virgin Radio. La poursuite des grèves, le trafic des trains devrait être légèrement un petit peu meilleur ce lundi avec 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10 en région. Dans l'aérien, 20% de vols annulés à Air France. Les opposants à la loi travail attendent beaucoup de manifestants demain pour la journée de mobilisation nationale prévue à Paris. 10 personnes en garde à vue après les violences de ce week-end dans les rues de Marseille en marge de l'Euro. Certains seront jugés dès aujourd'hui en comparution immédiate. Des scènes de guérilla urbaine sur le Vieux-Port avant Angleterre-Russie, puis des bagarres au Vélodrome à la fin du match. 35 blessés, dont plusieurs graves. L'UEFA a haussé le ton hier en annonçant que la Russie et l'Angleterre seront disqualifiés du tournoi en cas de nouvelles violences. Ça nous amène justement à la suite de l'Euro de football. 3 matchs aujourd'hui. L'Espagne face à la République tchèque à 15h à Toulouse, suivi de Irlande, Suède à 18h à Saint-Denis, puis Belgique, Italie à 21h à Lyon. La France, elle, jouera mercredi contre l'Albanie. Et puis Montpellier qui jouera la seconde demi-finale du championnat de France de rugby. Les Héroletais se sont imposés à domicile hier 28 à 9 en barrage contre Castres. Voilà pour l'actu tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Merci en tout cas d'être là, plus nombreux chaque matin dans le Virgin Tonic. On est 1 800 000 Français à se réveiller ensemble chaque jour. Un grand merci vraiment pour votre soutien d'être là tous les matins. D'ici la fin de l'année, il nous reste 15 jours et c'est pas assez. On aimerait rester tout l'été avec vous, mais 15 jours. Et je peux vous dire qu'on vous prévoit encore plein de belles surprises. Dans quelques jours à peine, on va vous annoncer ce qu'on fera pour la dernière émission de l'année. Ouais. Ça va être complètement dingue. Et comme d'habitude, le plus important, c'est que ce sera avec vous tous. Tous ceux qui veulent participer avec nous à cette dernière pourront le faire et c'est ce qui est le plus important pour nous. Dans un instant, le pop rock électro de The Avenor qui arrive sur Virgin Radio. Vous êtes là bien sûr derrière votre radio. Et oui, on prend soin de vous, 6h-9h30. L'équipe est là, tiens l'équipe, vous allez dire bonjour en disant qui, selon vous, vous n'êtes pas obligé de dire la France, va gagner l'euro. Petit pronostic, tiens, Nico du bureau est là. La France. La France, ah, l'or. Pas la France. Mais qui? L'Italie. L'Italie, très bien. Tu vois l'Italie gagner? Bah j'aime bien les Italiens moi. D'accord, mais t'aimes bien les Bleus aussi? Ouais. Tu préfères l'Italie aux Bleus? Franchement je crois. Mais bah, ça va pas ou quoi? Bah ils sont juste 10 fois plus beaux gosses, pardon. Mais moi c'est ça que je regarde. Ah pour ouais, pour la beaugossité, ouais. Moi c'est ma deuxième équipe préférée, l'Italie, ouais. Mais moi je suis à fond avec les Bleus. Clément, moi je suis italien, mais pour le coup j'aimerais bien que les Belges gagnent, mm-hmm, cette année. Je les sens bien, les Belges. Ouais, je les sens très très bien. Ils Ginger sur les réseaux. Un peu facile, mais je dirais l'Espagne. Hein. Ah, l'Espagne, bien sûr. Et Pauline, au standard, qui est vraiment très calée en foot. Ouais, tu vois qui? Ah, le Mexique. Bien sûr. L'euro, bien sûr. L'euro, évidemment, il va faire un carton. Merci, Pauline. Les amis, attention, 8h06 tout de suite, c'est la question de ouf. La question de ouf. La question de ouf, quand vous nous faites marrer en laissant des messages 01 84 07 08 09, chaque jour vous répondez à la question de Clément. Et la question ce matin, c'est quoi la demande en mariage idéale? Pour sa demande en mariage, mon mari m'avait offert un saut en parachute. Et avant de sauter, il m'a dit « Si tu me suis, je t'épouse », évidemment, en pensant que je sauterai pas. Et bien, faut résumer maintenant, chérie. Alors, nous jouions au Monopoly et mon mari avait fait une carte qui disait « Ne passez pas par la case de prison ». Épousez-le. C'était dans le parc, juste à côté de chez nous. Il m'a demandé ma main et j'ai dit oui. Et au moment où j'allais l'embrasser, un pigeon s'est soulagé sur lui. Pour ma demande, il avait écrit « Veux-tu m'épouser ?» avec des bougies au bord de la mer. Et quand il vient de me chercher, une vague avait éteint toutes les bougies. C'était à Disney devant le château de la Belle au Bois Dormant. J'avais l'impression d'être une princesse dans un conte de fées. Bah, en fait, c'était un peu le cas quand même. Moi, mon mari, pour me demander en mariage, il m'a tendu la feuille d'impôt avec un post-it dessus, avec écrit « Veux-tu m'épouser ?» Et il avait marqué « PS, si tu veux faire des économies, dis oui. » Question de ouf. 8h07, les amis, excellent réveil. The Avenor, We Go Home. Bienvenue dans le Virgin Tonic, vous êtes ici à la maison. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on. But the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song's over, we go home. I know, I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic. C'est 6h-9h30 chaque matin. Virgin Tonic. Avec l'équipe qui est là, bien sûr, à mes côtés, chaque matin. On a lancé un hashtag. Oui. Ouais. Alors, on parle pas énormément de l'euro, nous, ici. Alors, je vous dis, vraiment, c'est les filles de l'équipe qui décident de tout chez nous. Et alors, mais quand même un petit peu, forcément. Mais justement, on s'intéresse à vous, les filles, surtout. Qu'est-ce que vous faites pendant que votre chérie regarde le foot? Il y a encore du foot ce soir, bien sûr. C'est Belgique-Italie, c'est ça? Oui, entre autres. C'est sur M6. Et donc on a lancé un immense hashtag. Hashtag pendant que vous regardez le foot. Pendant que vous les mecs ou les filles, il y en a aussi plein de filles qui aiment le foot. C'est le cas de Ginger par exemple sur les réseaux. Elle adore regarder l'Euro. Et qu'est-ce que vous faites, vous qui n'aimez pas le foot, pendant que votre colocataire, votre chérie, peu importe, regarde le foot? Laure, tu nous as répondu. Ouais. T'aimes bien faire quoi toi déjà? J'aime bien aller à la danse, mais il y a aussi un autre truc que j'aime bien. C'est préparer des dîners trop bons, comme ça ses copains ils viennent que chez moi et ça m'arrange. Comme ça je surveille. Ah, comme ça il va pas ailleurs? Eh ouais. Oh, une soirée foot même dans un pub, c'est rigolo. Oui, mais là il y en a beaucoup. Oula, ça veut dire beaucoup de pubs. Voilà. Beaucoup de rencontres. Ne tentons pas le diable. Voilà. Bien sûr. Alors il y a Lauriane, il y a Aurélie qu'on a rappelé qui sont avec nous au 3916. Bonjour toutes les deux. Salut. Bonjour. Bisous les filles. Alors dans une seconde vous allez nous dire ce que vous faites pendant que votre chérie regarde le foot. On vous a rappelé mais vous êtes vraiment des milliers et des milliers à répondre. Ça nous fait très plaisir. Qu'est-ce qu'on a sur les réseaux, Ginger? Il y a Ryan qui dit: moi pendant que vous regardez le foot je vais brancher vos meufs. Eh oui. Alors Max aussi nous a dit: moi je pars en boîte et je drague les filles qui s'ennuient. C'est une bonne technique aussi. Ah, oui. Il y a Manu aussi qui dit: pendant que vous regardez le foot moi je révise mon bac, hashtag injustice, hashtag tristesse. Ça c'est dur. Ah, vous tombez cool, hein. Le bac qui tombe. Ah, ouais. Ah, ça c'est dur, c'est dur. Bah, ouais. Année de l'euro, il y a eu. En plus, on sort tout juste de Roland Garros. Ah, bah, oui. À un moment donné, c'est dur de se concentrer. Oui, Pauline, au standard. Bah, moi, le BEPC, il était tombé le jour de mon anniv. Le BEPC, c'est le quoi? Le brevet des collèges. Oh là là, BEPC. Oh là là. Ouais. Bah, je sais pas, moi je disais comme ça au collège. Hein. Pourtant, je suis pas. Laissez-moi arrêter d'être relou, Camille. C'est vous quoi? Une crise d'ado. Laissez-moi vivre. Je vous dis, Pauline, on n'arrive plus à la gérer. Hein. Non. Oh là là, pendant les disques, elle part crapoter. Elle fume en cachette, elle veut un scooter. J'arrive plus à la gérer. C'est hein. Vrai en plus. Oui, alors. Je crois qu'elle s'est fait un piercing. Quoi? Mais non. T'es sûr ça? Ah non, non, celui-là il tu me décevrais beaucoup, Pauline. C'est horrible, tu sais. Ginger, quoi d'autre? On a Léna aussi qui dit, voilà, on va recommencer. Pendant que vous regardez le foot, j'étends le linge que personne ne veut faire puisqu'ils ont un cas de force majeure. Bah bien sûr. Bah, oui. Tu sais qu'on est en direct, on peut pas refaire. Hein, c'est... Bah, c'est... le principe du direct, du studio où on enregistre, bien sûr. Non, mais c'est... Je vais refaire, ok, petit point de montage, merci. En direct, en fait, c'est direct. Lauriane, ma chérie, qu'est-ce que tu fais pendant que ton chéri regarde le foot? Ben, moi, quand il regarde le foot, j'en profite pour appeler ma mère. Comme ça, je lui fais le débrief de la semaine et puis il n'est pas embêté. Et il ne me fait pas, en regardant sa montre, oui, bah, c'est bon, là, ça fait déjà une heure. Ça, j'en c'est profite, voilà. Ouais. Ça, c'est bien, discuter avec les copines aussi. C'est très, très, très, très bonne idée, ça, ma Lauriane. Oui, Clément. Moi, je trouvais des idées pour mon ex. Tu sais, je lui disais, mais y a ton ex qui veut tout le temps te voir, tu veux jamais. Je dis, mais accepte, bois un verre et tout, ça lui fera plaisir. Et à ton ex? Ouais. Non, non, à mon ex, je lui disais d'aller voir elle, son ex. Tu vois, qu'il s'était resté ami. Et juste pour la mettre un peu dehors, lui, l'obliger à faire des trucs. Ouais. Ouais. Et ben aujourd'hui, elle est. Elle est partie avec, mais j'ai gardé Bean. Elle est partie avec, mais je me suis fait un France-Albanie qui était pas dégueu. Ouais, c'est pas là l'essentiel. Aurélie, ma chérie, qu'on a aussi rappelé au 39-16, tu fais quoi toi pendant que ton mec regarde le foot? Alors moi, pendant que mon amoureux regarde le foot, j'en profite pour me faire une soirée soin, masque pour les cheveux, masque pour le visage, et puis au moins ça évite qu'il voit ma tête avec ce fameux masque pour les points noirs. Mais c'est vrai que nous les filles, vraiment, quand vous êtes devant un truc qu'on regarde pas, Grey's Anatomy ou quoi, on est perdu. C'est-à-dire la vie sans vous, on n'arrive pas, on sait pas ce qu'il faut faire, on c'est sait pas s'occuper. C'est mignon ce que tu dis. Alors que vous, mais alors... Ok, 9 activités en attente, pas de soucis, regarde ton foot, on trouvera quoi, Clément. Puis tu mets un masque aux couleurs de l'équipe et ça marche, tu sais, tu fais du contenu, tu fais je supporte Irlande, qu'est-ce qu'il y a? Ça marche, hein. Aurélie, il y a des enfants vraiment qui ont envie de te parler, hein. Oui, oui, c'est mon fils. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais il demande qui est-ce, il pense que c'est tonton. Ah mince, c'est quoi son prénom? Il s'appelle Louis. Bah, tu me le passes? Ah oui, je te le passe. Vas-y. Allez, écoute. Oui, bonjour Camille. Allô Louis? Oui, bonjour Camille. Non? Oh. Louis, c'est tonton. Oh, non. Louis, c'est tonton. Ta maman, elle a plein de bonbons cachés dans le placard. Va lui demander, j'ai mis le regard. Tu me mets en galère. Aurélie, je t'embrasse très fort. Bisous à Louis, bisous à Lauriane. Merci à vous tous d'être avec nous, les amis. On s'écouterait pas Sia dans un instant. Allez, on l'a pas écouté depuis ce matin. J'adore ce morceau. Je sais que vous aussi, Sia, Cheap Thrills et un loyer à gagner. C'est important. Déjà, le troisième tirage au sort de la matinée dans 5 minutes à peine. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. On revient tout de suite. Ne bougez pas. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Sananas. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur. cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge de télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Ma meilleure amie. T'as un souci ? Pétillant et bouleversant. T'as une tête de super-héros. Une interprétation phénoménale. Tu me manques déjà. Du rire aux larmes. Cette ode à l'amitié vous fera vibrer. Tu me manques déjà. Ma meilleure amie. Le 15 juin au cinéma. Avec Virgin Radio. Bon, prenons une élève. Petite 1, elle est passée en classe de 4e de justesse. Petite 2, son début d'année s'annonce un peu fébrile. Question, comment l'aider à réussir son premier trimestre dans les meilleures conditions? Vous avez 20 secondes et pas de calculette. Avec Acadomia, la réponse est facile. Vous pouvez dès maintenant, pour la rentrée, réserver les cours particuliers de votre enfant. Accompagné par un enseignant spécialement dédié, il pourra améliorer ses connaissances et ses méthodes de travail. Renseignez-vous sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Leclerc. Chérie, en ce moment, c'est la foire à la bière chez Leclerc, avec des promos sur les bières. Du coup, j'ai refait le plein de Kronenbourg. Mais c'est quoi ce pack de bière? Un pack de 40 bouteilles, avec 30% de remise immédiate. Ah, ok. Du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 40 bouteilles de 25 centilitres de Kronenbourg, avec 30% de réduction immédiate, est à 10,50€, soit 1,05€ le litre après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Là, on a de la Kronenbourg. Ah oui, je confirme. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam, oui, à 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Juste quelqu'un de bien. Mon opticien Toll sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Il m'a proposé une seconde paire avec des verres solaires à ma vue. C'est vraiment utile. Et moi, j'hésitais entre 2 montures de marque. À ce prix-là, j'ai pris les 2. Et oui, en ce moment, chez Atoll les opticiens, quelle que soit votre vue, votre 2e paire est à moitié prix, même avec un traitement sur vos verres et avec une monture de marque. Les lunettes, c'est votre look et surtout votre confort visuel. Dispositif médical offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Eh tiens, j'ai revendu ma Mini. Non. Bah si, j'ai trouvé mieux. Impossible, ça, c'est pas possible. Ah si, GPS, toit ouvrant, Bluetooth, radar de recul. Ok, t'as hérité. Bah non, 295€ par mois. C'est quoi cette voiture? C'est la Mini Shoreditch. Ah, d'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée à partir de 295€ par mois sans apport sur 36 mois, entretien inclus. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 30 juin 2016, sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Balle, paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Et ce sera un ciel très couvert aujourd'hui sur tout le pays. Des averses à peu près partout et des orages sur le nord-est, de belles éclaircies uniquement sur les régions les plus au sud. 15 degrés cet après-midi à Cherbourg, 17 à Lille et à Beauvais. Vous aurez 18 à Paris, Brest, Nancy, Tours et La Rochelle, 19 à Rennes et à Strasbourg, 20 pour Bordeaux, Biarritz et Chambéry, 21 à Toulouse, 22 degrés à Lyon, 23 à Nice et à Valence, 24 à Marseille, maxi 25 à Perpignan. Des orages et de la pluie sur tout le pays, toute la semaine. Bon réveil. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop. Rock. Électro. En images. Hi, it's Taylor Swift. Salut, c'est Chaka Pong. Bonjour, c'est Stromae. Hey, it's Ed Sheeran. Regardez le clip. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 67 de votre Freebox. Chaîne 150 de votre télé SFR. Chaîne 142 de votre télé Orange. Chaîne 93 de votre box Bouygues Télécom. Et sur Dailymotion. Et sur VirginRadio.fr. Votre nouvelle chaîne 100% musique. 100% music. Combien de temps va réellement durer votre histoire d'amour? Envoyez moitié au 73202 pour savoir combien de jours, de mois, d'années votre moitié restera à vos côtés. Envoyez moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au pass. Virgin Radio présente Caro Rock. 4 jours, 5 scènes, plus de 50 artistes, pop, rock, électro, le groupe star, Muse. Disclosure. Synapson. Floum. Feder. Mais aussi Lilywood and the Freak, Ratatat, M83, The Hives, The Kills et beaucoup d'autres en live du 30 juin au 3 juillet à Marmande. Infos et réservations sur virginradio.fr et garorock.com. Les 20 ans du festival Garo Rock du 30 juin au 3 juillet, un événement Virgin Radio. Pop, rock, électro. Tous les matins à 8h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Salut à tous et bienvenue à 8h21, vous êtes dans le Virgin Tonic, on vous souhaite beaucoup de courage le 13 juin mais surtout lundi, aujourd'hui, je sais qu'il vous en faut pour redémarrer cette semaine, vous qui partez bosser, vous qui êtes déjà depuis bien longtemps, eh ben on vous lâche pas, 6h-9h30, on pense aussi à tous les lycéens, ceux de terminale, voilà, ils rentrent dans la semaine du bac là. Ouais, ça y est, c'est maintenant. On est à J-2, j'ai un compteur, hein. Ça c'est horrible, hein. J'ai un compteur pour savoir la minute, je n'ai plus de compteur. Pour connaître, attention, on est à un jour. 23h38 minutes et 10 secondes. Oh là là. Du bac philo, mais après c'est compliqué entre les académies, les spécialités, les branches que vous faites. Je sais qu'il y en a qui sont déjà en examen, d'autres commenceront un petit peu plus tard. Courage à tous en tout cas, et votre loyer à gagner, ça vous donne le sourire, c'est toutes les heures. Loyer au 7 12 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. C'est par texto, vous me laissez bien votre numéro. Johan a gagné ce matin à 6h20, Louis à 7h20. Oui. Adorable pompier des Bouches-du-Rhône, vraiment. Oui, allô. Et la troisième personne de la matinée déjà, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Amandine. Amandine, c'est ma copine. Oui, d'accord. Amandine, c'est ma copine, elle est coquine. Oui. Amandine, c'est ma copine, elle est coquine, elle me pique mes tartines. Oui. Voilà. Amandine, sa maman s'appelle Martine. Oui, Laure. Non, ça me rappelle que j'ai oublié de faire tes tartines en fait. Eh ben oui, j'ai pas mes tartines, oui, ce matin. Je fonce. Amandine, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Oh ouais. Ouais. Amandine, elle écoute Virgin en mangeant ses tartines. Amandine, elle a un petit garçon qui est super content. C'est vrai, il s'appelle comment? Il s'appelle Caïs. Quel âge il a? 6 ans et demi. 6 ans et demi, passe-le-moi, je parle à tous les enfants ce matin. J'espère qu'il va vouloir parler. Tiens, Camille, mal. Allô. Allô. Salut Caïs. T'es à la radio, chouchou. Allô. Salut mon chéri, t'es à la radio et ta maman, elle vient de gagner un beau cadeau, donc elle a intérêt de t'acheter plein de bonbons cet après-midi. D'accord. D'accord, bah écoute. Eh ben, tu peux lui faire un beau cadeau. Il est de combien ton loyer, Amandine? 670 euros. Eh bien écoute, on est ravis, on te fait le chèque dès cet après-midi. Tu bosses dans quoi? Je travaille dans une usine qui fabrique de la fibre de carbone. Ouh là là là là là là. Et dans quel coin? Dans la région de Pau. Eh bien très bien, bon, on est ravis d'avoir une gagnante de ce côté-là. Donc on va rajouter ton loyer, on est à plus de 2000 euros de loyer déjà offert. Et il reste un tirage au sort à 9h20. Bravo ma petite Amandine, embrasse merci ton... Merci beaucoup. Et embrasse ton petit bouquet avec toi, vraiment, on est ravis de t'avoir fait ce cadeau. 8h24, Sia, Cheap Thrills, prochain tirage c'est à 9h20. Excellent réveil sur Virgin. Hi, this is Sia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Excellent réveil à vous tous sur Virgin, 8h26. Merci d'être avec nous les amis, il se passe plein de choses hein, sur Virgin Radio. Déjà à 9h vous découvrirez le groupe Lollywood. Ouais. Ils font un carton sur internet, c'est génial, on peut écouter un peu. Je vais me nourrir à la bière. C'est génial, ils racontent ce qui va se passer pour les filles pendant l'Euro. Mais c'est vraiment, c'est pour vous les filles, le côté on abuse avec le foot et tout. C'est très très drôle, vraiment. Et ça raconte votre galère les filles, parce qu'on sait bien que c'est pas simple pour vous pendant ces 15 jours, 3 semaines. Et vous verrez le morceau, ils vont le chanter pour la première fois en live. C'est très très drôle, oui Clément. C'est plus des humoristes à la base que des chanteurs, mais ils font plein de trucs sur internet. Bien sûr, plus des humoristes que des chanteurs, mais ils sont multicasquettes aujourd'hui, t'es obligé. Ils chantent bien. Et Clément d'ailleurs, et je voudrais que vous nous donniez un coup de main pour Clément. Je voudrais que vous nous appuyez maintenant au 3916. Ouais. Ce Clément, je vous le dis, pendant tous les disques là en ce moment, il est sur le bon coin. Clément cherche une voiture. Ouais, une voiture d'occasion. Mais dès que j'en trouve des biens, tu me dis qu'elles sont moches. Alors, c'est quoi les moches qu'il faut pas prendre déjà? Non, mais je voudrais l'avis de tout le monde. Je voudrais l'avis des filles de l'équipe. Je voudrais l'avis des gens au 3916. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez réagir. La voiture, beaucoup trop moche selon vous, que Clément ne devrait pas acheter. Alors moi, on plaisante, moi voilà, j'ai une voiture par exemple, je suis désolé pour ceux qui l'ont, je la trouve moche, la Fiat Multipla. Ah ouais. Bah ouais, non, ça peut monter à 3. Ouais. Déjà c'est pas bon si. Bah ouais. Non, la Fiat Multipla, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, moi je la trouve trop moche, Clément, je peux pas te laisser acheter ça. Nico du bureau. Ouais, la Fiat Multipla, t'es à 3 devant ou tu peux mettre un frigo à la place de la 3ème place. C'est assez improbable. Le nom Multipla, ça me plaisait. S'il y a un frigo et qu'on peut mettre un micro-ondes, je vis dans ma voiture. Qu'on soit clair, ce n'est pas une question de prix. Parce que par exemple, la Fiat Multipla, elle vaut quand même un certain prix. C'est une très belle voiture. On peut en trouver des moins chères et beaucoup plus belles. Hein. C'est pas une question de prix, c'est juste. Il y a des voitures, voilà, on n'accroche pas et ça dépend, c'est des goûts et des couleurs. C'est exactement comme avec les femmes et les hommes. Alors, selon toi, la voiture que Clément ne peut pas acheter, elle est beaucoup trop moche. On est en train de le conseiller, on compte sur vous au 3916. Moi, c'est une vieille, hein, c'est le truc horrible. Honda CRX-16 soupape intérieur cuir. Voilà, faut montrer la photo. comment tu connais exactement cette voiture? Parce que c'est mon premier amoureux qui avait ça. Et genre, il avait l'impression de conduire une Porsche, il arrêtait pas de dire qu'il avait 16 soupapes. Ouais, deuxième amoureux, le premier avait une charrue. C'est bien, 16 soupapes, je m'en rends pas compte. Je sais pas non plus, je suis nul en ça moteur. Veut dire quoi? Apparemment, c'est génial d'avoir 16 soupapes. Ah, bah 16 soupapes, oui, je crois que ça fait des gros moteurs, mais ah oui, c'est quand même. Ouais. C'est immonde. Et donc, Honda, comment? CRX 16 soupapes. Ok, interdit pour Clément. Clément, je te préviens, les voitures qu'on t'interdit avec tous les gens en tant, c'est interdit que tu les prennes. Pauline au standard. Moi, ma soeur, elle a une voiture vraiment moche, c'était la Fuego. Ah ouais. Mais c'est vieux, t'en trouves même plus, c'est de la collection maintenant. Bah, ma soeur, elle l'a eu, hein. Elle l'avait récupérée de je sais pas qui, et elle avait cette voiture, et je lui disais, ne viens pas me chercher au lycée avec la Fuego. Elle est dure, la Fuego. Oui, Nico du bureau. Ouais, j'en voulais une parce que c'était la voiture de l'inspecteur Gadget, un peu. C'est vrai. Ça ressemblait. Elle ressemble, mais après, c'est devenu ceux des inspecteurs de Pamela Rose, hein. Ah, Olivier. Et ça a perdu du charme, forcément, ils se blaguent tellement dessus. Jennifer, ma chérie, une voiture que tu trouves plus moche que toutes les autres voitures et que Clément n'aura pas le droit d'acheter, c'est quoi pour toi? Bonjour. Oui, bonjour Camille. Alors moi, en fait, c'est la Renault Twizy. Ah oui. Tu vois ce que c'est? C'est l'espèce de truc où c'est ouvert sur les côtés. C'est comme Formule 1 presque. Mais il n'y a qu'une place. Deux, une derrière. Ouais, il y en a deux. Mais en fait, tu veux, quand t'arrives en soirée avec ça, tu ramènes personne, quoi. Même s'il y a deux places. Hein. C'est les petites voitures électriques de David Guetta, là, qui se promènent avec quelqu'un derrière. Pourquoi de David Guetta? Parce que c'est lui qui a fait la pub. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, d'accord. Ah, si, je vois. Oui, voilà, c'est la deux places. Ouais, bah bon, là, tu peux pas aller partout avec ça. Alors qu'en plus, Renault, ils font des très belles voitures maintenant. Alors en vrai. Genre les méga étoiles sont magnifiques chez Renault, mais celle-là, c'est vrai que Clément, du coup, tu écoutes Jennifer, tu n'as pas le droit de l'acheter. D'accord. Mais surtout avec les inondations et tout, c'est un peu chaud, quoi. Tu vois, c'est complètement ouvert sur les côtés. Moi, j'ai le permis bateau. Et remarque, celle-là, tu sais qu'elle rentre à l'avant du Multipla, celle-là. La Renault Twizy. Ludo, la voiture qui est beaucoup trop moche selon toi, tu interdis Clément de l'acheter. Clément, il est interdit d'acheter la Nissan Cube. Elle est horrible. C'est, on dirait un espèce de gros cube. Ils ont voulu faire gagner de la place partout pour rentrer à 15, mais c'est moche. Je vois pas laquelle c'est. J'aime bien la Qashqai. La Qashqai. La Qashqai. Ah ouais, mais attends, c'est des très belles voitures. Et ça, la Nissan Cube, elle est particulière. C'est moderne. C'est horrible. Oh, c'est moderne, c'est pas mal. Horrible. Je peux en rajouter une? La Cactus. Elle se vend de dingue. La Cactus, c'est pas possible. Oui, Nico du bureau. Non, moi j'ai la Peugeot 1007. C'est un peu comme la Nissan Cube. C'est très carré. Je l'adore. Mais la Peugeot 1007, tu rigoles. Et en plus, j'adore. Les portes, elles s'ouvrent sur le côté. Les portes latérales, mais elles s'ouvrent automatiquement. Ouverture, fermeture. On dirait une voiture, tu sais, pour les. Mais c'est génial. Mais attends, moi j'adore. Alors là, je vous le dis. Tous ceux qui ont une Peugeot 1007, je vous offre un truc. J'adore cette voiture, moi. J'adore avoir cette voiture, Clément. Vous voulez pas me donner plutôt celle que je peux acheter? Ça m'aiderait. Écoute, on sait ce que tu penses sur Virgin. Virgin, écoute. Un vélo? Un vélo, c'est bien. Un vélo d'appart. Un vélo d'appart. Oui, oui, je pense que ce sera déjà très très bien. Restez avec nous, c'est Virgin Radio et Jenny Ludo, je vous embrasse très très fort. 8h31, soyez les bienvenus chez nous. Robin Schulz, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro dans un instant. On fait un point sur l'actu très vite. Et on se retrouve dans un instant, ne bougez pas. Et les infos partout en France, c'est avec Tristan Sarah. Ça va mon Tristan ? Ça va bien, merci Camille. Un petit peu de météo et puis des infos très très pénibles ce matin, on t'écoute. Oui, il y a des éclaircies en ce moment sur la région parisienne, mais le ciel devrait se couvrir au fil de la journée, comme sur tout le reste du pays d'ailleurs. De la pluie et des orages attendus de l'Auvergne au Jura, du soleil sur le sud et un mercure à 20 degrés en moyenne pour cet après-midi. Nuit d'horreur en Floride, à la une du Parisien, la terreur et la haine en première page du Figaro. Nouvelle plaie béante pour Libération. Toute la presse revient ce matin sur l'attaque à main armée qui a fait 50 morts et 53 blessés ce week-end à Orlando aux États-Unis. Un attentat perpétré par un Américain d'origine afghane qui avait prêté allégeance à Daesh avant de passer à l'acte, puis d'être lui-même abattu. Un attentat revendiqué ensuite par le groupe État islamique. Le tireur a ouvert le feu sur des clients d'une boîte de nuit gay très fréquentée. Et à l'autre bout du pays, en Californie, le pire a été évité de justesse. Un homme lourdement armé a été interpellé en marge de la Gay Pride qui se tenait ce week-end à Los Angeles. Il voulait, dit-il, y causer des dégâts. En France, l'arrivée de la loi travail aujourd'hui au Sénat, une nouvelle bataille politique entre la majorité de droite et le gouvernement de gauche sur fond de contestation sociale. La grève se poursuit aujourd'hui encore à la SNCF avec 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10. Et dans l'aérien avec 20% de vols annulés chez Air France. Grève aussi dans le ramassage des ordures dans certaines villes dont Paris avant la grande manif nationale prévue demain dans la capitale. Le suivi des délinquances sexuelles au cœur d'un procès dans le Gard. Un homme va être jugé à partir d'aujourd'hui pour l'enlèvement, la séquestration et le viol d'une ado de 15 ans en 2012. Le prévenu était un récidiviste. Le verdict est attendu mercredi. La Russie et l'Angleterre seront disqualifiées de l'Euro 2016 en cas de nouvelle violence. Réaction de l'UEFA après les rixes entre hooligans ce week-end à Marseille, en ville et au Vélodrome. Des violences qui ont fait 35 blessés, dont plusieurs graves. 10 suspects sont actuellement en garde à vue. Plusieurs seront jugés dès aujourd'hui en comparution immédiate. Ça nous amène justement à la suite de l'Euro de football avec 3 rencontres au menu du jour. Espagne-République tchèque à 15h, R-Suède à 18h et Belgique-Italie à 21h. Hier, l'Allemagne a battu l'Ukraine 2-0. La Pologne s'est imposée 1-0 sur l'Irlande du Nord et la Croatie a battu la Turquie 1-0. La France, elle, jouera mercredi contre l'Albanie. L'inquiétude Griezmann à la une de l'équipe. Ce matin, le leader annoncé de l'attaque des Bleus a été très effacé vendredi contre les Roumains. Et puis la victoire de Lewis Hamilton hier soir à l'arrivée du Grand Prix du Canada de Formule 1, donc à Montréal. Le Britannique revient très fort dans le rétro de Nico Rosberg. Voilà pour l'actu. Bon réveil. Matinée à vous tous, 8h34, vous êtes dans le Virgin Tonic, bien sûr c'est lundi, on vous souhaite beaucoup beaucoup de courage pour cette nouvelle semaine qui démarre, on est très heureux en tout cas, il nous reste 15 jours d'émission d'être à vos côtés, voilà pour cette nouvelle semaine avec Laure, avec Clément, bonjour, avec la popo du standard, on voudrait vous remercier d'être si nombreux à être à nos côtés chaque matin au 3916 sur les réseaux sociaux, puis derrière votre radio, on le sent, je peux vous le dire, ça nous fait très plaisir et pour vous remercier. Si vous nous appelez, tiens maintenant d'ailleurs au 3916, inscrivez-vous puisqu'on va jouer avec vous. C'est le grand retour de François Slogan. Ah, vous connaissez pas encore, il faut que vous soyez là vraiment. Je l'adore François Slogan. C'est un chanteur particulier, il a rien à dénoncer, rien du tout. Aucune histoire d'amour à raconter. Du coup les paroles sont uniquement des slogans de pub. Et il faut trouver quelle est la chanson originale. Ce sera dans un instant, on filmera tout ça. Ce sera sur Facebook, vous serez avec nous en live streaming dans le studio. Et donc un beau cadeau à gagner puisqu'on va vous faire un smartphone à gagner ainsi que une tablette. Voilà, Arcos édition limitée équipe de France. Voilà, en un coup de fil vous repartez avec ces deux très très beaux cadeaux, le pop rock électro de Robin Schulz qui arrive dans deux secondes, mais pour le moment à 8h35 c'est la réponse à tout. Tonique. Réponse à tout. Passons la réponse à tout. Eh oui les enfants, réponse à tout, Clément l'a bien compris, chaque jour ils leur posent une question et ils sont jamais piégés quoi. Et ce matin j'aurais demandé ce qu'était un fou. C'est quoi un fou? Bah c'est un taré qui veut toujours crier. C'est une personne qui est atteinte psychologiquement et qui fait n'importe quoi. Un fou c'est quelqu'un qui fait plein de bêtises. Un fou c'est quelqu'un qui vole, qui prend des enfants ou... Mais qui vole comme Superman? Mais non, il vole des choses. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Ça crie comment les fous? Bah Les fous, ils boivent de l'alcool tout le temps. Un fou, c'est une personne qui fait n'importe quoi et qui pense qu'à crier et faire n'importe quoi dans la rue comme ça. Il se croit qu'il est dans la rue. À quoi on reconnaît un fou dans la rue ? On s'approche pas de lui parce que si on l'entend crier, ça veut dire qu'il est taré. Bah, c'est très simple. On se demande comment est Camille Combal et puis on compare. Le réponse à tout. 8h37, les amis, dans un instant. François Slogan sur Virgin Radio, mais tout de suite, c'est Robin Schulz. Bon réveil. 6h, 9h30. Tony. She got slimming lips, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical and colorized. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Drifting, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Aujourd'hui, le 13 juin, l'équipe est là, bien sûr. Oui. Vous voulez être avec nous dans le studio, n'hésitez pas, connectez-vous sur notre Facebook. On est là en live streaming. Vous découvrirez la super ceinture abdominale de Laure. Ah non, tu l'as enlevée ? Je l'ai enlevée, ouais. C'est parce qu'elle est en plein déménagement. Et voilà, donc du coup, elle arrive avec la même ceinture que les gens, vous savez, qui descendent les matelas dans les entrepôts. Ouais. Elle a très très mal au dos. Oui, Nico du bureau. Par contre, sur Facebook, il n'y a pas l'odorama parce que là, il y a Pauline qui vient de se mettre du vernis. Ah, et ça empeste le studio, en fait. Ah, mais c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Mais oui. Mais arrête, non. Mais si, ça sent le vernis. Ouais. Mais j'étais en train de dire à l'équipe, j'ai pris mal à la tête en une seconde, je viens de me rendre compte que tu mettais du vernis. Mais non, mais c'est pas du vernis, c'est du durcisseur d'ongles. J'ai très faible en ce moment. Mais c'est magnifique. Non mais c'est en fait vous savez quoi, du standard c'est Catherine et Liliane et elle seule. Ah ouais. Elle se fait les conversations seule, elle lit les magazines People pendant l'émission. Je suis loin de vous, j'entends rien. Oui, bah, reste un peu, reste à distance. Je peux demander, mais c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Bah bien sûr. Oh là là, Pauline, tu sors du studio. Arrête. Non, tu sors du studio, tu ne participeras pas avec nous à François Slogan. Mais je suis punie pour tu sors du studio, Pauline. Allez, oust. À le dire quatre fois. Oh, elle est fâchée. Et tu fermes la porte. J'en ai marre. C'est bon, on peut prendre son lit solvant. Les amis, Sébastien a été tiré au sort au 39-16, vous êtes en direct sur Virgin Radio. Comment tu vas, Seb ? Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Seb, on va très très bien mon bichon, tu viens d'où ? Je viens du Château d'Oléron, en Charente-Maritime. D'accord, Charente-Maritime, et bien mon poteau, tu vas peut-être repartir avec ton pack complet, édition limitée, équipe de France, smartphone plus tablette. Pour ça, il faut que tu gagnes un jeu que j'adore. C'est le grand retour de François Slogan. Virgin Radio. Virgin Radio. À la place des paroles, il n'a que des slogans. Voici François Slogan. François Slogan. Alors je sais pas si tu le connais, Sébastien, t'as déjà entendu? J'ai entendu, oui, oui, il y a longtemps, mais ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu. Ah ouais, ouais, il vient pas souvent, mais alors il est particulier, c'est qu'il adore chanter, mais il a rien à dénoncer, il a pas d'engagement politique, il a aucune histoire d'amour à raconter, il est seul comme un chien. Du coup, ses paroles sont uniquement des slogans de pub. Alors essaie d'oublier le côté slogan, concentre-toi sur la musique, puisque tu dois reconnaître le morceau original et l'artiste. Original, jouez, hein. Vous qui êtes au bureau, d'accord, dans votre voiture, en train de chercher une place, jouez aussi avec nous, j'adore ce jeu. Et on est en live sur Facebook. François Slogan, vous êtes prêt? Ouais, je suis content d'être là, c'est fantastique. Hey, petit look de John Lennon. Ah ouais, je me suis volé toutes les perruques, donc j'ai plus que ça. C'est surtout ça. Les amis, on y va. Sébastien, allez, je te souhaite bonne chance. Premier extrait. Merci. Grand-mère sait faire du bon café. Il n'y a pas d'heure pour en manger du bâton de berger. Aussi beau c'est au cédar. Quand y'en a marre, y'a mal à part. Quand c'est trop pico. Mais y'a ma branche, bon jambon star. J'adore, génial. C'est dur quand même. Je suis en passion de ce jeu. Ouais, moi aussi. Mais du coup, vous savez quoi? J'ai aucune idée de quelle était la chanson. Moi, j'ai pas écouté. Bah ouais. Je suis tellement dans les slogans. Sébastien Monbichon, est-ce que tu as reconnu l'artiste original? Alors je pense parce que c'était très bien chanté, mais je pense que c'était Madonna, mais je suis pas sûr. Ah, la Isla Bonita. C'est ça, c'est une fantastique réponse. C'est Madonna. La Bonita. Ok, très ouais, bien, ça te fait déjà une bonne réponse. Attention, on y va. Deuxième extrait de François Slogan. L'essentiel est dans l'actel. Fraîcheur de vivre, Hollywood chewing gum. Oui, car Red Bull donne des ailes. Peut-être mérite votre confiance. Le vieux pain est bon comme du bon pain. Oh là là là là. Bon, mais ça pour moi c'est facile. Hein. Ouais. J'ai reconnu bien sûr Sébastien. C'est pas une comédie musicale. Non, excuse-moi. Mon essentiel. Sébastien, c'est pas une comédie musicale. C'est la comédie musicale. C'est Roi Soleil. Toi, mon essentiel. Je te vénère parmi les hommes. Man Power. Je fais de toi mon essentiel. Celle que j'aimerais plus personne. C'est toi, Camille, qui a fait la comédie. Oh là là, je te jure, ce serait mon rêve un jour de faire le Roi Soleil. Oh là là là là là, j'en suis dingue. Sébastien, on y va avec un dernier extrait de François Slogan, des slogans de pub qui remplacent les paroles des chansons. C'est parti. Le fin du fin, c'est plante à fin, ça nerf ça à terre. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Midas, les pros du pot. On se lève tous pour Danette. Duracell dure vraiment plus longtemps. Je dirais Michael Jackson. Ouais. Gilles, c'est une bonne réponse, c'est gagné pour toi. Bravo. Ouais, c'est cool. Billy Jean Levis. Merci. Ouais, principe. Bravo, smartphone Arcos 50, le Cobalt, et une tablette tactile Platinum édition limitée équipe de France avec des contenus exclusifs sur les bleus et les toutes dernières technologies 4G. C'est le beau cadeau qu'on t'offre ce matin, mon Seb. Oh, merci Camille, merci toute l'équipe, vous êtes trop sympa. Franchement, eh ben, en plus, mon téléphone, il est limite en rade, donc franchement, ça tombe super bien. Eh ben, ça nous fait plaisir. Bah, tu sais, nous, on se met à l'heure. Si c'était ta voiture, on t'aurait offert une voiture. Sébastien, merci pour ton sourire, merci d'être là avec nous chaque matin. Bravo encore à François Slogan. Merci, je voulais vous dire que votre café, c'était la plus chaude des boissons froides. Merci. Et ça fait plaisir. Merci à vous. 9h moins le quart, ping tout twist, tout suisse. Just Like Fire, excellent réveil sur Virgin. Yes, yes. Le nouveau Pink. Just Like Fire. Gorgeous. Forcément, sur Virgin. Virgin. I know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. We can hit a run. cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing, about a thing. No. Just like fire, burning up the way. Rocket like the world up with just one leg. Watch this madness, color boucherie. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I keep that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire, fire, fire. So look, I came here to run it. Just cause nobody's done it. You just gotta believe. Come on, come on with me. Excellent réveil à vous tous. Vous avez choisi le Virgin Tonic. Vous avez très très très bien fait. C'est là que ça se passe tous les matins entre 6h et 9h30. Déjà un dernier loyer, on en a offert pour plus de 2000 euros. Il reste un tirage, ce sera à 9h20. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Un groupe qui va venir en direct chanter. Alors ils sont en train de faire un buzz énorme sur internet. Une chanson sur l'euro. Mais pour vous les filles, vous qui en avez marre de l'euro, et ben voilà, ils vous ont entendu. Et ils vont faire un petit résumé de tout ça en musique dans un instant, ce sera à 9h. Et puis le pop rock électro que vous aimez, c'est chez nous que vous le trouvez tous les matins. Justin Timberlake dans un instant. Excellent réveil à tous. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pots à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Leclerc. Chérie, en ce moment c'est la foire à la bière chez Leclerc, avec des promos sur les bières. Du coup j'ai refait le plein de Kronenbourg. Mais c'est quoi ce pack de bière? Un pack de 40 bouteilles, avec 30% de remise immédiate. Ah ok. Du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 40 bouteilles de 25 centilitres de Kronenbourg, avec 30% de réduction immédiate, est à 10,50€, soit 1,05€ le litre après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Là, on a de la Kronenbourg. Ah oui, je confirme. Cuisine Xina. Voici des clients ayant profité de toute l'expertise Xina. J'arrive pas à croire que c'est déjà fini. Du début à la fin de notre projet cuisine, il a toujours été à nos côtés. Au revoir, conseiller Xina. Le spécialiste cuisine nouvelle génération. Vous vous souvenez d'Octave? Depuis 99 francs, a-t-il vraiment changé? Il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi, mon boulot, c'est de découvrir de nouveaux visages. L'idéal. Aucune femme ne lui résiste, sauf peut-être une. Son métier? Visual coach de l'Ideal World. Je sens déjà qu'on a un bon feeling. Gaspard Proust, Audrey Fleurot, Jonathan Lambert. L'idéal, la nouvelle comédie au vitriol de Frédéric Beigbeder, le 15 juin au cinéma. Jens qui ouvre une Carlsberg bien fraîche. Et qui la passe à Hans, qui la passe à Lars, qui la passe maintenant à Inge, qui la transmet enfin à Margrethe, à l'autre bout de la table. Carlsberg, l'officielle danoise. Né en 1847, brassée à l'international sous contrôle de Carlsberg. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam, oui. À 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bon, prenons un élève qui entre en terminale S. Si l'on considère qu'il est en pleine forme pour la rentrée, mais qu'en parallèle il a peur d'avoir tout oublié en maths pendant les vacances, comment faire pour qu'il retrouve sa motivation et ses connaissances? Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour aborder la rentrée bien préparée. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Or sad songs, sad songs. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. All I know are sad songs, sad songs. Bon réveil à vous tous les amis, belle matinée surtout à 9h05 sur Virgin Radio, il va se passer plein de choses. L'équipe est ici évidemment. Yes. Bien heureusement, j'espère que vous aussi, que cette matinée démarre bien, que cette semaine va bien se passer pour vous. En tout cas, on prend soin de vous. 6h-9h30, dans un instant, les Lollywood. Oui. Yes. Je vais me nourrir à la bière. Ils ont fait une chanson qui est fantastique. Ils ont déjà des millions de vues sur Internet. Ils sont très très drôles, hein. C'est des comiques. Ils sont vraiment très très drôles. Ils ont sorti cette chanson et ça représente exactement ce que vous vivez les filles pendant l'Euro. Ils vont la chanter en live dans un instant. On avait déjà eu Lollywood and the Prick. Ouais, on aura Lollywood sans le prick. Les amis, restez avec nous. Ça va arriver dans quelques minutes sur Virgin. On fera un dernier point sur l'actu aussi à 9h. C'est important. Alors pour le moment, on est vraiment. Il y a un vrai débat dans l'équipe. Ouais. Là, il y a un débat. Il est houleux et vous savez. J'aime prendre des engagements devant les Français, devant les auditeurs de Virgin Radio. Donc on va une nouvelle fois créer une loi. Ah. Est-ce qu'on peut rappeler, Nico Dubureau, les lois qui ont déjà été votées et promulguées dans le Virgin Tonic? Plus de pantacourt. Ah oui, je rappelle, hein, c'est vraiment une décision. Ouais. Voilà, c'est à la majorité qui l'emporte. Ouais, plus de pantacourt, on avait quoi d'autre? Pantacourt, mais Bermuda autorisé. Oh, ça va, c'est pas une dictature, mon grand. L'autre loi, je crois qu'il y a eu un amendement, donc elle est plus valable. Ça veut dire qu'il y a oublié Ginger. Les photos de place sur les réseaux sociaux aussi. Les photos de place sont interdites. Eh ouais. Je rappelle, vous êtes auditeur de Virgin Radio, de l'avancée des règles qu'ils installent. Et alors là, on a un grand débat. Parce que la chaleur est en train d'arriver. On a J-7 de l'été. Ouais. Une semaine, dans une semaine, c'est l'été. Ouais. Est-ce qu'on doit rouler en voiture les fenêtres ouvertes ou la clim à fond? Ouais, les fenêtres ouvertes. Ah bah, attendez, partez pas trop vite. Ne partez pas la tête dans le guidon. Ouais. Réfléchissez bien. Je rappelle, on va prendre plein de gens aussi au standard. Et là où il y aura le plus de voix, c'est une nouvelle règle qui sera absolue. Moi, par exemple, je ne supporte pas la clim, ça me rend malade. Ah ouais. J'ai un problème, la clim, mais instantanément. C'est-à-dire vraiment instantanément. C'est-à-dire si l'été il fait chaud, je rentre manger, même commander dans un McDo 3 secondes avec la clim à fond, je ressors, je suis malade. Alors. Ah, moi je peux pas rouler les fenêtres ouvertes, ça rend malade mes cheveux. Ah, ça frise. Ah bah ouais, clim obligé. Ça frise, ça frise. Donc toi t'es clim. Bah bien sûr. Bah, je suis contre toi une nouvelle fois, on n'est jamais été ensemble. Hein. Non, c'est vrai. Je suis fenêtre ouverte. Les amis, on ne peut plus rouler en clim. Déjà, je vous dis, ça pollue. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça pollue, ça fait plus consommer 2 secondes d'eau. C'est bien. Vous sortez, hop, il fait bon, oh là là, c'est bien, il fait 21 degrés dans la voiture, tu sors, il fait 30. Il fait quoi? Ça s'appelle comment? Maladie. Un choc thermique. Un chaud froid. Pas bon, ça, alors. C'est mauvais, mais c'est bon pour le brushing. Ah oui, mais bon, il n'y a pas que le brushing. Bah, pour moi. Ah oui, bah non. Nico du bureau. Bah écoute, moi je suis clim parce que je sais m'en servir. Oh! Je te le dis, et c'est pas pour être contre toi, mais en fait, la clim, il faut savoir la régler. Au final, quand il fait 30 dehors, tu mets à 25, 26. Il y a de la clim, il y a un petit filet, et au moins, voilà. C'est, il faut mettre juste quelques degrés en dessous de la température extérieure. Tu sais, Nico, les avis contraires, je les accepte. C'est normal, c'est une démocratie, Virgin Tonic. Oui. Mais l'arrogance, c'est quelque chose que ça, je peux pas accepter. L'arrogance, c'est quelque chose que je n'accepterai pas dans ce studio. Oh, très bien. Ta réponse, elle est arrogante. Non, elle est suffisante, ta réponse. T'es suffisant. Je sais exactement. Pauline du standard, est-ce qu'on est fenêtre ouverte ou climée? Notez les voix. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pauline. On est clairement fenêtre ouverte, déjà pour passer la petite main quand on est en vacances. Bah, bien sûr, sinon quel est l'intérêt d'avoir une gourmette? Bah, c'est ça. Et aussi, quand tu chantes du Beyoncé dans ta voiture et si t'as pas les cheveux dans le vent, ça n'a aucun intérêt. Ah ouais, et Beyoncé dans les clips, elle a une clim? Bah non, elle a la fenêtre ouverte, Beyoncé, Laure. Mais elle a les cheveux bouclés. Bah ouais, bah ça lui va bien. Ginger sur les réseaux, t'es quoi? Fenêtre ouverte, fenêtre fermée, ok, quoi? La clim, je suis désolée, à 130 sur l'autoroute avec les fenêtres ouvertes. Ah oui, non, mais là tu me prends l'exemple. Ah ouais. Non, mais c'est pas possible. Ouais. Sur l'autoroute, on peut pas, je suis d'accord. Non. Je parle du reste du temps. Je vous dis, Mylène, ma chérie, est au 39Z. On va passer plein de monde au standard et je veux votre vote. Est-ce que vous êtes fenêtre ouverte ou est-ce que vous êtes clim? Et dorénavant, ce sera une règle qui concernera tous les auditeurs de Virgin Radio, c'est un moment important. Mylène, bonjour. Salut Camille. Eh ben moi, je suis fenêtre ouverte, tout simplement parce que la clim, ça me gratte au fond de la gorge. Mais oui. Voilà. Ça rend malade. J'ai l'impression que ça va encore dans mon sens. On a combien sur les votes? On est à 3 partout. Oui, mais ils n'ont pas comptabilisé le mien encore. Je l'ai dit vite fait, mais moi, je suis fenêtre ouverte. Merci, sinon, Clément. Bah, je m'appellerais Clim l'incruste, sinon. Non, mais je ne sais pas la régler et je suis pour le bras bronzé, la fenêtre ouverte. Clim en l'incruste. Fred Bonbichon, fenêtre ouverte. Salut, ouais, moi c'est la fenêtre ouverte, j'ai pas de problème de brushing, je suis chaud, donc c'est fenêtre ouverte, carrément. J'ai l'impression qu'une fois encore on est en train d'écraser cette histoire de clim. Florence, ma chérie, bonjour. Oui, salut Camille. Alors dis-moi tout. Alors moi c'est clim, je supporte pas des fenêtres ouvertes, je suis comme Ginger, je supporte pas, et puis ça me fait les oreilles. Non, des fois ça fait mal aux oreilles. En plus. Mais parce qu'il faut en ouvrir qu'une. Mais oui. Si on en ouvre deux, c'est là que ça fait mal. Quoi, Ginger? Ouais, justement, c'est quand tu ouvres deux que ça va, ça fait pas l'espèce de truc aux oreilles. L'appel d'air. L'espèce de, ouais, voilà. Ah bon, c'est deux? C'est, il faut ouvrir deux, ouais. Mais je savais pas, bah, ça va. Comme quoi, on peut apprendre des choses, Virgin Tonic également. Caroline, ma chérie, est-ce que t'es plutôt clim ou fenêtre ouverte? C'est des questions essentielles qu'on est en train de se poser. Salut Camille. Eh ben écoute, je vais trancher l'histoire, c'est fenêtre ouverte. Oh. La clim, ça donne mal à la tête. Fenêtre ouverte. Il est temps de faire un point sur les votes. Non, je vais quand même prendre Jules qui est là aussi. Jules, mon poteau, tes fenêtres ouvertes ou tes clim? Alors, bonjour Camille. Moi, je suis comme Nico, je sais m'en servir. Et comme je suis pas dans le studio, je peux le dire. Je préfère la clim. Mais parce que toi, Nico, tu dis quoi? Il faut s'en servir, c'est-à-dire il faut pas mettre trop bas, faut pas mettre à 21 s'il fait 30. Oui, c'est là où le choc thermique il existe. C'est, par contre, effectivement. Qu'est-ce qu'il est relou! Qu'est-ce qu'il est relou! Mais c'est pas possible! Mais c'est 1m80 de reloutrice, garçon! Mais c'est pas possible! S'il fait 23 dehors, effectivement, tu peux mettre la clim à 21 et 2 degrés de moins, c'est parfait! Et excuse-moi, Camille, sois de très bonne foi pour une fois, justement. C'est pas de l'arrogance, c'est vrai, c'est parce que je suis ton ami. Demain, je t'enlève la clim de ta voiture. Est-ce que t'es d'accord? Attends. Moi, demain, parce que je suis ton ami, je t'enlève les fenêtres. Est-ce que t'es d'accord? Tu vas pas là, je suis dans mon équipe. N'essayez pas de le corrompre, monsieur. Clément a toujours réponse à tout. Jules, mon bichon, donc toi, t'es clim aussi. On est à combien sur les votes? 6-5 pour les fenêtres ouvertes. Pour FO. Il a marqué FO. FO, victoire hier. Ce qui veut donc dire qu'une nouvelle loi est créée. Plus de clim, on roulera en fenêtre ouverte, les auditeurs du Virgin Tonic cet été. Qu'est-ce qui se dit sur Twitter? C'est important de lancer le sondage. Eh ben sur Twitter, ils sont d'accord avec toi. 78% pour les fenêtres. Eh ben voilà. Écrasante. Je vais vous dire un truc. Ouais. C'est un plébiscite. Tout simplement. Laure, fais pas la gueule. T'as jamais imposé une de tes lois. Jamais. Mais vous me charriez pas sur ma coupe, par contre. Ok, j'ouvre les fenêtres. Pas mais... de soucis, Biouna. Il n'y aura aucun problème, compte sur nous. On vous embrasse tous très fort. Merci de jouer le jeu avec nous chaque matin. Les Hollywood seront avec nous dans un instant. Leur chanson est cadonissime. Elle raconte votre galère pendant l'Euro, les filles. Vous allez voir, c'est très très drôle. On écoutera aussi Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Le temps de faire un dernier point sur l'actu. Vous êtes les bienvenus ici, c'est le Virgin Tony. Et les infos partout en France, c'est avec Tristan Sarah, un peu de météo et puis des infos bien sûr très très lourdes aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, ça ne va pas être terrible côté météo encore cette semaine. Un ciel très couvert tous ces prochains jours, de la pluie et des orages attendus dès aujourd'hui sur la plupart des régions, avec des éclaircies tout de même sur le sud-ouest. 17 degrés cet après-midi à Paris, 19 à Bordeaux, 23 à Marseille. Le choc aux États-Unis où un homme a ouvert le feu dans la nuit de samedi à dimanche dans une boîte de nuit gay d'Orlando en Floride. Le bilan est très lourd, au moins 50 morts et 53 blessés. Le tireur a prêté allégeance à Daesh avant de passer à l'acte via un appel au service d'urgence. Le groupe islamiste a ensuite lui-même revendiqué l'attentat. Cette fusillade est la plus meurtrière qu'ait connue les États-Unis depuis le 11 septembre 2001. Barack Obama a fait mettre tous les drapeaux en berne. L'Empire State Building a gardé ses lumières éteintes hier soir à New York. De l'autre côté du pays, en Californie, la police a interpellé hier un autre individu qui voulait s'en prendre lui aussi à la communauté gay. Un homme arrêté en possession d'un arsenal explosif et d'armes à feu. Il a déclaré qu'il avait prévu, je cite, de causer des dégâts pendant la Gay Pride. En France, après Paris hier, des rassemblements de soutien aux victimes d'Orlando sont prévus ce soir à Lille, Nice, Bayonne et Montpellier. Plus d'infos sur gaypride.fr. À Los Angeles, qui accueille aussi depuis hier l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Toutes les nouveautés en termes de jeux, mais aussi d'accessoires connectés, peut-être même de nouvelles machines, notamment une petite Xbox One. Tout le programme de l'E3 sur le net, je vous ai mis le lien sur le Twitter de la rédac Virgin Radio. La poursuite des grèves, le trafic des trains devrait être légèrement meilleur ce lundi, avec 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10. Dans l'aérien, 20% de vols annulés à Air France. Les opposants à la loi travail attendent beaucoup de manifestants demain pour la journée de mobilisation nationale prévue à Paris. L'UEFA hausse le ton. La Russie et l'Angleterre seront disqualifiées de l'Euro 2016 en cas de nouvelle violence. Des scènes de guérilla ce week-end sur le Vieux-Port avant Angleterre-Russie, puis des bagarres au Vélodrome à la fin du match. Il y a eu 35 blessés, 10 personnes en garde à vue. Certains seront jugés dès aujourd'hui en comparution immédiate. Et puis on a appris il y a quelques secondes qu'un supporter nord-irlandais de 24 ans, très alcoolisé, était décédé hier à Nice après une chute de 8 mètres. Ça nous amène à la suite de l'Euro de football. 3 matchs aujourd'hui. L'Espagne face à la République tchèque à 15h, suivi de l'Irlande-Suède à 18h. Enfin, Belgique-Italie à 21h. La France, elle jouera mercredi contre l'Albanie. Voilà pour l'actu tout de suite, c'est Camille. Bon réveil. Tous les amis, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. On est là tous ensemble jusqu'à 9h30. J'ai un dernier loyer à vous offrir, bien sûr. Loyer au 7-12-13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. Dernier tirage à 9h20. Que des gagnants pour le moment. Plus de 2000 euros de loyer déjà offert. Et on va continuer comme ça avec ce dernier tirage. On vous souhaite évidemment bonne chance à tous. Et vous passerez en direct sur l'antenne comme Johanna du Nord. Johanna, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Ouais. C'est le pop rock électro de Justin Timberlake qui arrive dans un instant. Can't Stop the Feeling. Soyez les bienvenus chez nous. Laure, Clément, yes, Pauline sont là. Oui. Vous aussi. Et alors, on est en plein euro. On est en plein euro en ce moment. On ne parle que de ça, de partout. On en a parlé ce matin aussi. Alors, évidemment, nous, c'est les filles de l'équipe hein, qui décident de tout. Parce que comme dans la vraie vie, bah, on est des pleutres. Voilà. Et ce sera pas la radio officielle de l'euro ici. Mais on est tombé sur un truc qui est magnifique. Alors, c'est une parodie de Francis Cabrel. Cabrel. Vous connaissez ma passion pour Francis Cabrel. Ouais. Sur Je l'aime à mourir. Voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil. C'est un collectif de comiques qui cartonne, qui ont fait ça. C'est une parodie pour raconter toutes les galères des filles pendant l'Euro, qui relève tous les travers des mecs. On va les applaudir très fort. C'est les Lollywood qui sont avec nous ce matin. Salut. Lollywood. Alors, il y a Choupa, Manu et Hugo. Et Laura bien sûr. Bonjour. J'allais présenter juste après qui vient d'arriver à l'instant. Elle une vedette, elle Whitney Houston. Elle attend la dernière seconde pour arriver. Elle nous a exigé de l'eau de Fidji à température, un bain dans de l'actimel, une baignoire remplie d'actimel si elle a envie de se soulager un petit peu avant la chanson. Mais alors le collectif, vous pouvez nous le présenter rapidement les gars, et après vous allez chanter la chanson direct si vous ne la connaissez pas encore. Les filles, les garçons qui nous écoutez, vous allez voir, c'est une parodie, c'est très très drôle. Lollywood, c'est une chaîne YouTube qu'on a montée il y a 8 mois maintenant. Et voilà, on est 3 potes, on s'est connus à la fac il y a 10 ans. On était plus destinés à faire du marketing, de la finance. On a tout quitté pour faire des petites blagues sur Internet. Et ça marche très fort. C'est hyper drôle. Je suis allé voir les vidéos avant de savoir qu'on allait vous recevoir il y a 15 jours. Et c'est vraiment très drôle. 600 000 abonnés. Non, j'ai bien aimé. Non, vraiment, 600 000 abonnés. Merci. Et alors, si je dis pas de bêtises, le morceau que vous allez nous chanter, il a déjà 5 millions de vues. Waouh. C'est ça. Okay. C'est énorme. Est-ce qu'on peut parler d'un ramdam? Est-ce qu'on peut parler d'un buzz média? Un buzz interne? Vous êtes en train d'enflammer la toile. Ah, je suis jeune, hein. Je suis un peu comme Jean-Pierre Pernaut. Ils enflamment la toile. On découvrira ça juste après un beau reportage sur les confectionneurs de sabots. Il est vilaine, bien sûr. Alors, les amis, comment vous est venue cette idée? Cette chanson sur l'euro? Parce que ce qui est très drôle, c'est que vous mettez vraiment le doigt sur les petits trucs. Nous, on en parle le matin. Femme, bien sûr, c'est Laura dans le clip, hein, qui joue cette femme complètement à bout. Comment vous est venu le délire? On voulait faire une chanson sur l'euro. Voilà, on savait pas trop comment l'aborder, et puis, pour la petite anecdote, c'était un quart de finale de Ligue des Champions. Je rentrais chez moi, Paris venait de se faire défoncer par Manchester City, j'étais dépité. Je suis rentré, je faisais la gueule, ma copine était assise sur le canapé avec une autre amie, je tirais vraiment la gueule, elle me dit, bah, ça va, c'est pas grave, c'est du foot, quoi. La gueule, elle me dit, bah, ça va, c'est pas grave, c'est du foot, quoi. Et du coup, ça m'a vénère. J'ai appelé les copains. On s'est dit peut-être qu'on tient quelque chose. Et du coup, on l'a écrit et voilà. Ah, la phrase, c'est du foot, elle est dure. Elle est dure, les amis. C'est pas grave, c'est que du foot. Vous l'avez déjà chanté en live, la chanson? Jamais. Non. Jamais? Ah. Jamais encore à la radio? Non, jamais. Faut savoir que Hugo stresse de ouf. Hein, il était en bas dans la voiture. Il se chie un peu dessus. Il était, ah ouais, faut que je les prévienne, j'ai jamais fait de live. Voilà. Et les amis, pas de pression. Et vous êtes quand même des comiques, vous êtes très très drôles. Allez voir leur chaîne YouTube à la base. C'est gentil de venir à 9h09 quand même. C'est pas simple. Chanter la chanson pour la première fois en live, c'est sur Virgin Radio. Et vous savez quoi? Si c'est pas parfait, c'est pas votre métier. Ce sera déjà fabuleux, les amis. Gentil. Et écoutez bien. Et allez voir aussi, le clip est très drôle. C'est énorme. C'est tous les travers des mecs sur l'euro. On y va? Bah ouais. Merci. Pour vous, en tout cas, merci de nous inviter. Ça fait plaisir. Mais ça nous fait plaisir. Même si on foire la chanson. Hein. C'est abonnez-vous à l'Hollywood. À chaque personne qui s'abonnera, Camille paiera son loyer. C'est cool. Voilà, c'est une promesse. Il l'a dit tout à l'heure. Et il tient ses promesses. Et c'est vraiment pas grave si vous la foirez, mais je peux vous dire que la chanson, elle va être réussie. Et c'est vraiment, vraiment bien. On voulait absolument vous avoir dans l'émission. C'est parti, les Lollywood en direct sur Virgin Radio. On vous applaudit. Vous y allez vraiment. C'est comme des grands artistes. C'est pour la première fois, ils chantent en live, les amis. Ah, il faut y aller en revanche. Vous voulez la musique? Ah, il vous faut la musique. Ah bah chantez. Je crois que c'était la guitare. Est-ce qu'on a la musique, les amis? Vous avez, on l'a donné. Qui a la musique? Attention, Robin, notre réalisateur, n'a pas la musique. Déjà, on va être en souci. Ça commence bien. On a envoyé la musique vendredi. Alors le temps de la trouver, les amis. Mais voyez, si vous l'avez sur un téléphone, je prends. Sur un téléphone, on va faire ça bien, les amis. Oui, Clément. En attendant, si vous voulez, j'ai un blind test Francis Cabrel. Si vous voulez vous affronter. Ah cool. Ok. Un blind test sur Francis Cabrel. On a un blind test Francis Cabrel en attendant, si tu veux. Alors attention, vous êtes fan de Francis Cabrel, les gars? Oui. Bien sûr. C'est vrai, Laura aussi. Attention, il n'y a pas de problème. Blind test Francis Cabrel, le temps de retrouver la musique qui s'est perdue. Ils l'ont envoyé vendredi. Entre vendredi et maintenant, la chanson s'est perdue. Mais rassurez-vous, on va la trouver et ce sera en live dans un instant. Qui joue avec moi? C'est toi? Tous? Laura? Ouais. C'est tous. Allez, on y va, c'est parti. Hollywood VS Camille, c'est parti. Attention, on y va, c'est parti. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. On crie son prénom avant. C'était le choix. Vous criez votre prénom. Commencé, d'accord. Et après, vous criez le prénom. Votre prénom, savoir qui répond. Okay. Et après, vous répondez. C'est parti, deuxième extrait. C'est parti. Camille, Laura, Camille. La dame de haute. Camille, bah, j'ai Camille, moi dit en premier. Ouais, c'est Camille qui a dit premier. Son prénom avant. Ah ouais, alors, on joue chez toi, quoi, c'est tes règles. Non, surtout. D'accord, c'est un peu comme quand tu. Et à chaque mauvaise réponse, quoi, on retire un vêtement, on le rappelle. Hein. Non, je vous jure, hein, les gars, je suis très sympa sur les blind tests, j'oublie tout. Ah, ils rigolent pas. Il n'y a plus de bon accueil, ville commune, tout ça, tu peux oublier que sur un blind test, je rigole pas. Oui, c'est ça. Ok, sympa, c'est des comiques. On y va, c'est parti. Nouvelle deuxième extrait. Petite Marie. Petite Marie. Petite Marie. De Hollywood, Petite Marie, Francis Cabrel. Très bien. Pim Camille. Non mais il faut le prénom, il faut le prénom hein. Oui mais il l'a dit en même temps. Ah ouais. On est tatillon. Un partout. Un partout. Un partout, c'est parti. On croyait savoir. Laura. Oui. Sarbacane. Bien joué. Je rappelle que Camille n'a jamais perdu un blind test pour l'instant. 2-1 pour l'Hollywood. Troisième, quatrième. J'ai l'impression que Laura aime les moustaches. On y retourne. Nouvelle extrait. Camille. Corrida. Oui, Corrida bien partout. Sûr. Et alors, ils sont où là, l'Hollywood? Attention, 4 contre 1, il y a 2 partout. Qu'est-ce qui se passe? On continue. Blind test Francis Cabrel. Camille. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je nous gagne le titre. Mais alors l'encre de tes yeux. Mais je suis en train de le dire. L'encre de tes yeux. L'encre de tes yeux. Ah, il l'a dit. Je l'ai dit. Non. Tu l'as pas dit assez vite. T'as fait toute la chanson. Le point va à personne. Qu'est-ce que c'est, maison. Il y a trop de litiges. Tout se joue sur celui-ci. Tout se joue sur ce dernier. Un, deux, trois derniers extraits. Criez votre nom avant. Hugo. Oui, Hugo. C'est la mer noire. Laura, il faudra leur dire. Non mais ouais, mais là vous pouvez pas, vous avez donné une mauvaise réponse, le point vale. C'est une vanne. Une technique de déstabilisation, c'est différent. C'était une vanne, victoire de Hollywood. Allez, bravo. Ouais. Vous avez gagné. Les amis, on écoute Justin Timberlake, le temps de retrouver le morceau. Rassurez-vous, on va l'avoir dans un instant. Restez avec nous parce que la chanson, elle est formidable, vraiment. C'est une parodie du collectif donc l'Hollywood sur Francis Cabrel et qui parle de l'euro. Les filles, vous allez reconnaître toutes vos galères du moment. Le temps d'écouter Justin, lancé par Martin, 6 ans de Douai, bon réveil. Tout de suite, on écoute Justin Timberlake dans une pièce tonique. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance. Yeah. Oh. Yeah. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance. So keep dancing. Everybody say, I got this feeling in my body. c'est là que ça se passe tous les matins, c'est sur Virgin Radio. Dans un instant, je vous paye une dernière fois votre loyer. 2300 euros de loyer déjà offert et il reste un tirage. On écoutera Kungs, This Girl bien sûr. Et puis surtout, notre collectif de comiques, la Lollywood, ils cartonnent les amis, c'est un cas sur internet. Ils ont sorti une parodie de Francis Cabrel qui raconte toutes les galères des femmes pendant l'euro. Ils seront là avec nous, ils sont déjà là, mais ils vont la chanter dans un instant. On a retrouvé la musique, ça y est. Ouais. On a appelé directement Francis Cabrel, il est en train d'arriver dans le studio, le temps de tailler la moustache et il va chanter avec eux en live. Restez avec nous sur Virgin Radio, on revient dans un instant. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Sephora. Envie d'un teint allé sans soleil, d'un smoky de star sans tapis rouge, de sourcils parfaits, ce n'est plus un rêve. Rien que pour vous, le Make-up Bar Sephora. C'est gratuit et sans rendez-vous. Le maquillage que vous voulez, quand vous voulez, avec de super pros à votre dispo. Et maintenant, à vous de jouer. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses trois enfants, puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au Bon Coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Ma meilleure amie. T'as un souci ? Pétillant et bouleversant. T'as une tête de super-héros. Une interprétation phénoménale. Tu me manques déjà. Du rire aux larmes. Cette ode à l'amitié vous fera vibrer. Tu me manques déjà. Ma meilleure amie, le 15 juin au cinéma. Avec Virgin Radio. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Maman, on a des pizzas? Mais oui, des pizzas, bonne idée. Ah oui, c'est vrai que les matchs des Bleus ont commencé. Et j'ai vu chez Carrefour, ils avaient tout prévu. Dès demain et jusqu'au 20 juin, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour, sur la pizza Dolce Sodebo. Ah bah je vois qu'entre supporters, on se soutient. Eh ouais. Dès demain et jusqu'au 20 juin dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour, sur de nombreux produits comme sur la pizza Dolce Sodebo. Modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Je sais pas chez vous, mais chez nous, le plus grand fan de sport, c'est mon mari. À chaque match, c'est pareil. Des heures à crier devant la télé. Mais moi aussi, je peux crier. Je veux la télé! Alors chérie, si tu pouvais regarder le foot ailleurs, ça serait génial. SFR se réinvente et inclut les nouvelles chaînes SFR Sport dans le forfait Power 40 Go à 15,99€ par mois pendant un an, puis 25,99€ par mois pour les clients box de SFR avec engagement. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine jusqu'au 4 juillet pour toute souscription avec portabilité. Prise en mobile, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. The Stranglers. New music. Vous allez l'entendre partout. Mais la première radio qui vous l'a joué, Virgin Radio. C'est Virgin Radio. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Dreaming till the day I die. They say you'll have a good day young. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, 9h22. On est un petit peu à la bourre, mais parce qu'il y a encore plein de choses à faire. On est très heureux en tout cas d'être avec vous. On vous souhaite une belle matinée, vous tous qui êtes déjà au travail, d'autres sont encore en voiture, je le sais, pour la journée. On pense très très fort à vous pour cette nouvelle semaine. Pierre-Alex est là. Bonjour les amis, comment ça va? Salut Pierre-Alex, il va vous accompagner jusqu'à midi. Qu'il y a des beaux cadeaux cette semaine. Énorme cadeau, vous allez partir au festival Garo Rock, voir notamment Muse. Ça c'est pas du cadeau quand même pour commencer la semaine. Très très fort, et on va t'écouter jusqu'à midi bien sûr. Mais avant, alors on a un dernier loyer à vous offrir. On n'a pas oublié, ce sera dans quelques minutes à peine. Rassurez-vous, ça vous laisse un peu plus de temps pour vous inscrire. Loyer au 7-12-13. Mais avant, on a des invités, je voudrais qu'on les réapplaudisse. C'est les Lollywood, pardon, qui sont avec nous. Chupa, Manu et Hugo. Et Laura. Et Laura, bien sûr. Mais Laura, est-ce que tu fais partie de Lollywood? Non, moi je suis la guest. La guest de la chanson. Alors non, ils font plein de vidéos très drôles. Allez voir la chaîne YouTube. Et alors ils ont fait une parodie sur Francis Cabrel, déjà 5 millions de vues. Et Laura chante avec eux, bien sûr. Et Charles, pourquoi Chupa? Je sais pas si t'as le temps avant le loyer là. Je connais un peu Charles et d'un coup c'est Chupa quoi. C'est dans l'humour, il a un pseudo quoi. Attention les amis, on va y aller. Alors on avait un petit problème de musique, on l'avait pas trouvé. Finalement on l'a trouvé, mais finalement ils veulent le faire en acoustique. Donc c'est parti, à la guitare Nico Bou, notre musicien qui va les suivre. C'est une parodie de Francis Cabrel et c'est très très drôle. C'est à vous les gars, c'est la première fois qu'il la chante en live. Tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui, après les Roumains, on joue contre l'Albanie. Je préfère te prévenir. Tu vas sûrement te dire bon de match, ça va, mais remballe ton sourire, car l'euro dure à moi. On va plus sortir, on va plus sortir. Je préfère te prévenir. Et comme ça se passe en France, je raterai pas un match. Si tu veux des vacances, t'auras qu'à lire Paris Match pour te divertir. Ne me prends pas la tête quand je serai devant les bleus. Regarde sur internet les règles du hors-jeu. Pour pas que je soupire, pour pas que je soupire, je préfère te prévenir. Je vais me nourrir à la bière, seul ou avec tous mes amis. Je vais me nourrir à la bière dès midi. Et Camille aussi. Ah bah oui. D'abord. Je vais devenir lourd, je regarderai plus tes fesses. On fera même plus l'amour, je penserai qu'à Pierre Ménès. Je préfère te prévenir. La télé sera à moi jusqu'à 3h du mat. Dis je à Pattaya, tu les matras sur iPad. Ça me trop m'envahir, ça me trop m'envahir. Je préfère te prévenir. Je materai toutes les rediffs, 100 fois les ralentis. Je deviendrai agressif, surtout contre l'Italie, si on se fait sortir. Et évite de me dire, c'est pas grave, c'est que du foot. Ou je te ferai dormir sur une aire d'autoroute. Ça te fera réfléchir, ça te fera réfléchir. Je préfère te prévenir. Je vais te faire vivre un enfer. Au moindre but de Dimitri, je vais te faire vivre un enfer. Toutes les nuits et l'après-midi aussi. Mais tu comprends rien, à partir d'aujourd'hui je vais pouvoir enfin m'éclater toutes les nuits. Attends-toi au pire. Camille Combal n'aura qu'à m'offrir des shots de tequila. Il n'aura qu'à me dire, ça te dit, on va chez moi. Je vais peut-être enfin jouir. Je préfère te prévenir. T'es assez à l'abri. Et on peut les applaudir très très fort. Et franchement, bravo. La chanson est géniale, elle raconte toutes les petites galères des meufs pendant l'euro. Et alors vraiment, c'est des comiques qui sont très très drôles. Ils chantent pour la première fois en live, vous en êtes très très bien sortis. Hugo, il était stressé. Très bien. C'est très très bien. J'ai laissé un peu de caca dans le studio là. Mais vous remarquez un truc, c'est on ne peut pas chanter Francis Cabrel sans me faire l'accent. Ah bah bien sûr. Oh là là, les amis. Et je voudrais vraiment, on apprécie également le featuring de Clément en tombage de poubelle derrière. J'ai rattrapé la poubelle qui allait tomber. Toujours sympa, ils sont stressés et Clément bien sûr fait tomber la poubelle, gauche comme il est. c'est pour vraiment montrer que c'est du live en fait. Oh là là, merci les amis. Et on la jouera le matin de temps en temps dans l'émission, votre chanson. Ah bah c'est gentil. Ah non, mais vraiment, on l'adore et je trouve que c'est génial, voilà, de en tant que mec, de raconter les galères qu'on vous fait vivre. Du coup, de Pierre Ménès. C'est je suis fan, vraiment. Merci à l'Hollywood qui était avec nous ce matin et merci Laura qui les accompagnait, bien sûr. Laura, j'ai un petit peu de tequila dans le bureau, on se voit après, sous quinzaine, oui, bien avec sûr. Plaisir. Bah avec plaisir, mais il est temps pour le moment de vous offrir votre dernier loyer du jour. C'est parti! Tous les matins à 9h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tony. Et on n'allait pas passer à côté, alors très en retard, 9h27, mais on voulait absolument faire la chanson avant. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu et il est temps maintenant de vous remercier pour votre fidélité. On le fait toutes les heures, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. On paye votre loyer. C'est un très très beau cadeau qu'on vous fait chaque jour. Vous imaginez, on vient à peine de commencer. En 3 tirages, on a déjà offert pour quasiment 2 300 € de loyer à Johan à 6h20 dans le Pas-de-Calais. Louis, pompier dans les Bouches-du-Rhône, adorable comme tout, et qui voilà, il nous dit qu'il a joué pendant des mois et des mois, comme ouais. Quoi, parfois il faut persévérer, puis parfois ça arrive vite. On l'embrasse encore très fort. Et puis Amandine, adorable aussi, on a même parlé à son fils Caïs à 8h20. C'est notre dernière gagnante pour le moment. Dernier tirage au sort de la matinée, c'est parti. Je vous souhaite bonne chance à tous. Parmi tous les SMS reçus, loyaux 7 12 13, un seul est tiré au sort. On rappelle, il faut décrocher, on n'a pas le droit de vous rappeler et répondre Virgin Allô Radio. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui. Bonjour, qui est là? C'est Justine. Juju, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Hey, c'est... Bravo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu viens d'où, ma Juju? Je viens de Troyes dans l'Aube. De Troyes dans l'Aube, parfait. Tu fais quoi dans la vie? Je suis vendeuse de sous-vêtements pour hommes. De... Vendeuse de quoi? De sous-vêtements pour hommes. De sous-vêtements pour hommes. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui revient alors chez les hommes? C'est le slip ou le caleçon? Ah, c'est le string. Ah non. Non, je plaisante, bien entendu. Ouais. Non, c'est mais il y en a de plus en plus d'hommes. Le petit boxeur. Le petit boxeur, bien sûr. Ma Juju, t'as un loyer de combien, toi? De 700 €. Eh ben, 700 €. Eh ben, je suis déjà très heureux pour une chose, c'est que c'est un 4 à la suite. On aime avoir que des gagnants et c'est le cas ce matin. Et avec ton dernier loyer, ma chérie, on passe les 3 000 € de gains ce matin avec le loyer. Et ça va continuer toute la semaine comme ça. On est encore là pendant 15 jours. On va vous faire très plaisir. On vous réserve une surprise magnifique pour la dernière. L'important pour nous, c'est pas d'aller dans des endroits paradisiaques, amener 6 personnes et dire c'est génial. Ce qu'on veut, c'est amener le maximum de monde. C'est que tous les gens qui peuvent être disponibles pour la dernière, on sera le combien? Le 24. Le 24. Et bien, pour la dernière, ce qu'on veut, c'est que tous les gens qui puissent venir, eh ben, soient avec nous et fassent une grande fête à la radio en direct. Oui, ma Pauline. En plus, ce sera mon anniversaire. La Nive, c'est le 24. Ouais. Oui. Oh. Ouais, ouais. La pression. Alors, j'ai jamais dû dire ça. On peut pas tout vous dire encore, mais je vais vous dire un truc. On a fait plein de choses. Je vous ai amené aux Ors chez mes parents, dans une station de ski pendant Noël. On était carrément, on a fait l'émission dans le chalet de mes parents. C'était génial. Pour fêter mon million d'amis sur Facebook et sur Twitter, je vous ai invité quelques-uns à dîner chez moi. Après, je pouvais pas inviter les millions parce que ça serait pas tenu. Mais on a fait ça. Et là, il y a un endroit où je vous ai pas encore amené. C'est ma ville de cœur, là où j'ai grandi, c'est Aix-en-Provence. La dernière, on la fera en direct d'Aix-en-Provence. Oh là là. Avec tout le monde. Il a dit. Mais quand je dis tout le monde, non, mais il y a plein de surprises, les amis. C'est rien par rapport à ce que je vous prévois. Tout ce que je veux vous dire, c'est que on arrivera à être tous ensemble à Aix-en-Provence, ok, et que ouais, ça va être magnifique. En sous-vêtements masculins. En sous-vêtements masculins peut-être, mais surtout le plus important, c'est que je vous le dis, tous les gens qui voudront venir, on vous paiera le transport, on vous paiera l'hébergement, tous les gens qui ont envie de venir à cette dernière pourront venir à Aix-en-Provence. Et surtout le plus important, on passera tout le week-end ensemble à Aix-en-Provence. Il n'y a pas de l'émission, salut à tous, bonne journée. Non, une fois qu'on est à Aix-en-Provence, on passe le week-end tous ensemble, on louera des bus. Oui, mon Nico du bureau. C'est là où tu as fait tes études. On va peut-être voir ta fac, peut-être. Exactement, c'est là où j'ai fait mes études. J'ai quand même un bac plus 3. Ben c'est bien ça, dis donc. Et alors, ben 3 années de droit, la première année. Trois fois. Bac plus 3, c'est licence. Exactement, ouais, exactement. Licencié. ce petit souci. Les amis, encore merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous le dis, vraiment, pendant 15 jours, on va s'éclater avec vous. Et puis surtout, le plus important, essayer de vous donner du courage le matin. L'équipe, on se retrouve demain à 6h. Oui, avec plaisir. Encore des smartphones et des tablettes Arcos, édition limitée, équipe de France. Très beau cadeau qu'on vous a fait ce matin. Et on continuera des séjours partout en Europe. Et le retour de la question de ouf, vous répondez, vous avez jusqu'à demain 01 84 07 08 09. Et on découvrira toutes vos réponses demain. C'est quoi la punition la plus drôle que t'aies donnée à un enfant? Oh, c'est drôle. Ouais. Oh là là là. Si vous avez puni votre enfant alors qu'il le méritait pas, ou la punition en elle-même. Très drôle, venez nous la raconter. Ou la punition que vous avez eue, parce que moi je suis pas encore papa, mais on peut raconter aussi nos punitions à nous qu'on a eues. Et bah écoutez, très bien. On écoutera tout ça demain. Les amis, j'espère que cette émission vous a plu autant qu'à nous, de la faire à vos côtés chaque jour, c'est un bonheur. Pierre-Alex, c'est jusqu'à midi maintenant. Jusqu'à midi. Et alors là, c'est énorme ce matin, je vous le dis. Vous allez gagner. Non, non, mais. Chaque matin. Non, non, mais, là, mais là, là particulièrement quand même, parce que j'offre quand même Garo Rock et vous verrez Muse. Les amis. Ouais, c'est pas rien, hein. Attends, il y aura Muse, il y aura Disclosure aussi, Feder, enfin ça va être complètement dingue. Voilà, les amis. Et là, pareil, hein, c'est tout frais payé, transport, on hébergement. On s'occupe de tout, les places, les, le transport, l'hébergement, la totale, et vous partez là-bas avec la personne de votre choix, à Marmande. Oh là là là là là. Il y a les bonnes tomates à Marmande. Merci. Je t'en prie. Merci, il faut vraiment que tu partes au midi en France. Hein. Ça a été fait pour France 3, toi, ça y est. T'as plus rien à faire avec nous, hein, je te dis. Hein. Non, mais, si t'as envie de me faire un petit doc sur, sur Marmande, n'hésite pas. Hein. Non, passe me voir. Je te jure, ne l'avance pas. Ne pas l'encourager. Ne surtout pas l'encourager. Les amis, on se donne rendez-vous demain, dès 6h, bien sûr. Bon après-midi, belle journée à tous. Et Pierre-Alex, on t'écoute jusqu'à midi. Ciao. Bah, des ciao. Bisous et on commence la matinée avec Kungs. Et Amir maintenant. J'ai cherché un sens à mon existence. J'ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as dans mes bras. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you. Virgin Radio, bon début de matinée, bienvenue, c'est Pierre-Alex avec Calvin Harris et Rihanna qui arrive. Bon d'ailleurs, si cet été vous prévoyez un petit week-end à Berlin, un artiste vient de construire une statue géante de Rihanna. Alors quand je dis géante, c'est quand même d'une dizaine de mètres de hauteur, mais sans tête. Par contre, il a quand même pensé au bikini. Allez vite voir la photo qui est impressionnante sur mon Twitter. Pierre-Alex, Virgin, Calvin Harris et Rihanna, qu'on va écouter dans un instant. Et je salue la personne qui siffle derrière. Voilà.